Allez, on est de retour dans Gérant d'analyser IG90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir. Oui, ben oui, mais pas devant le micro parce que c'est... Ouais, j'ai faim en plus. Moi, je mange après l'émission. Émission première, première émission de la saison pour notre premier vendredi du mois. Première grosse émission de Gérant d'analyse qui vous fait découvrir. Voilà, un petit peu autre chose que les Girondins. On a eu avec nous pendant les 45 premières minutes de l'émission le président des JSA Basket ainsi que Alex Viralé, un des joueurs des JSA. C'était nos premiers invités de la soirée. On a ensuite pu parler de la venue de Ricardo et de déclarations de cet après-midi sur RMC de notre futur propriétaire, monsieur Dagrossa, et de son fonds d'investissement GACP. On va attaquer la deuxième partie de l'émission. Alors évidemment, vous pourrez retrouver tout ça, bien sûr, en podcast quand Adrien l'aura fait. Si ça marche bien. Oui. Si ça marche bien et qu'on n'a pas de problème. Oui. On va attaquer donc la deuxième partie de l'émission. Ce soir, événement, 23h30, ce sera le retour du Sekiki. Le Sekiki, messieurs. Gros Sekiki. Gros Sekiki. C'est un petit quiz qu'on a entre nous depuis plusieurs années. J'ai préparé plein de trucs, il y a des sons à retrouver, des buts, des machins. Eh hey, Cyril, le match du soir, le match de légende du soir, tu vas le kiffer. Non, mais juste pour Julien et puis Benoît, c'est juste, on a plagié RMC. Non, c'est RMC qui nous a plagié, s'il te plaît. Ah, oui, ah, faut pas déconner. On l'a fait avant. Pop, on l'a fait avant. Fallait poser un copyright alors. Ah ouais, attends, on serait riche. Non mais le match de légende de ce soir, Cyril, tu vas le kiffer. Il est aux petits oignons pour toi. Pour toi en fait. Il y avait que lui qui était né ou... Non, moi aussi j'étais né. Mais, et Benoît aussi. Mais, merci pour la précision. Mais même vous, les jeunes, même que vous étiez même pas des idées de bébé, même vos parents, ça se trouve, ils se connaissaient même pas. Vous, je l'ai fait quand même abordable. Donc il y a des noms qui vont ressortir. Je n'en dis pas plus. Car on peut pas faire de recherche. Vous verrez, j'ai préparé plein de trucs, j'ai préparé plein de sons, j'ai préparé. Voilà, ça va durer un petit peu. C'est le retour du Sekiki. Bien! Messieurs, eh ben il est temps d'attaquer la deuxième partie de l'émission avec nos seconds invités de la soirée. C'est Benoît Amédée. Bonsoir. Voilà, la mascotte est là. Hop là. Bonsoir. Le petit Kiki qui va bien. Avec un joli maillot. Avec un très. Ouais, on l'a customisé. C'est notre mascotte. Benoît Amédée. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Et Julien Torres. Salut, bonsoir Julien. À tous. Salut. Vous êtes avec nous depuis le début. Vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'est passé. Messieurs, si on vous a invité ce soir, c'est parce qu'on on voulait. Découvrir pour certains et se faire plaisir pour d'autres le monde du e-sport dont vous êtes des dignes représentants, ma foi, sur la région bordelaise. Alors digne, je sais pas. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base on est une structure, donc PEST e-sports, qui a été créée en 2004, donc structure pessacaise, et nous on est vraiment spécialisé dans le foot virtuel. Donc c'est vrai que ça intègre bien sûr l'e-sport, mais nous on est spécialisé sur les jeux, donc FIFA et PES, qui sont les deux grandes simulations de football, l'une américaine, donc FIFA avec eSports, et l'autre Konami, et donc Pro Evolution Soccer PES. Et du coup, vous faites que du FIFA ou vous faites autre chose? Alors, FIFA, PES, il y a beaucoup de structures en France qui développent multigaming avec énormément de jeux. Nous, pour le moment, on est vraiment spécialisé sur ces deux jeux-là. Parce qu'après, il y a les autres jeux comme LoL, je crois, League of Legends, qui sont plus ouverts. Il y a, avec les Japonais et tout, qui sont vraiment très bons. Il y a d'autres jeux. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de League of Legends, Dota, il y a Fortnite qui arrive en force également, toujours du CSGO. Il y a beaucoup de jeux qui se développent. On a aussi du 2K qui arrive de plus en plus, du Rocket League. Donc ça, ce sont des. Plus un peu, ça. Que je suis. Alors, ce sont des valeurs sûres et ce sont des jeux qui sont très très prisés. Après, il faut savoir qu'en France, c'est pas en France où on est le plus avancé niveau e-sport, mais on a vraiment des modèles quand on regarde l'Asie, quand on regarde même aux États-Unis, même à côté de chez nous en Allemagne, etc., où c'est déjà plus développé. Il y a des événements, alors pas forcément sur FIFA, et encore, il y a beIN Sport qui a lancé le tournoi FIFA, le championnat de Ligue 1. L'Orange Ligue 1. Voilà, et qui fait des émissions aussi maintenant dessus. Mais il y a des événements qui commencent à grandir. Alors, FIFA, j'ai pas de souvenir de gros événements, mais surtout autour de Fortnite et tout ça, en France, où il y a une communauté. Est-ce que la communauté de FIFA et du sports foot peut se développer encore plus en France, ou il n'y a pas moyen d'y arriver? Alors, déjà, c'est vrai que le jeu de foot, c'est bon, c'est un petit peu à part entière. C'est vrai que l'e-sport, il y a des jeux qui sont beaucoup plus porteurs, avec beaucoup plus de visibilité, des cash prizes énormes. Mais le foot, le facteur, c'est que voilà, il y a beaucoup d'amoureux de football. C'est le sport le plus pratiqué sur la planète. Donc, il y a toujours cet amour du foot, du jeu. Donc, c'est de plus en plus suivi. Il y a des efforts qui sont faits pour développer le côté e-sport. Donc, l'e-sport, c'est vraiment le côté compétitif, parce qu'on parle de jeux vidéo de manière générale. Voilà, on est des milliards à jouer aux jeux vidéo. En France, plus de 54% de la population qui joue aux jeux vidéo. L'e-sport, c'est vraiment le côté compétitif. Le côté compétitif, il est en train d'être développé parce que les éditeurs font les efforts. On a vu, bon, déjà auparavant, c'était Konami qui avait fait beaucoup d'efforts pour développer sa communauté. Maintenant, on voit EA qui crée ses propres compétitions. It's the game. Donc, ils ont, si vous voulez, c'est la, voilà, ce sont les éditeurs qui, à l'image de Riot avec LoL, qui développent de plus en plus l'aspect compétitif et qui développent leur communauté en investissant de l'argent. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer sur le foot virtuel. Et on espère que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et on le voit notamment avec les clubs de foot professionnels qui investissent également. En France, mais à l'étranger aussi. Le PSG notamment, je crois Lyon aussi. Alors, en France, on a une locomotive, c'est PSG eSports. Donc, il y a Monaco, l'AS Monaco eSports, il y a Nantes, il y a Lille, il y a Lyon. Voilà, donc ça bouge énormément. Qui eux ont pris le train en marche quasiment. Ça a été les premiers, ouais. Il y a eu. Je crois que les premiers c'est Paris, et après je crois que c'est Monaco, puis Lyon. Il y a eu Nantes avant. Ouais, Nantes aussi. Mais le premier c'est Paris, de sûr, c'est Paris. Paris, ouais, Nantes, ensuite il y a eu Monaco, Lyon, Lille. Voilà, en plus, bon, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que le point d'ancrage pour les clubs de football, voilà, c'est, dans l'e-sport, c'est notamment les jeux de simulation de foot. Donc ça a été d'abord FIFA, on l'a vu sur l'Orange Ligue 1. D'ailleurs, la LFP a créé sa propre compétition avec EA, l'Orange Ligue 1, qui est retransmise sur Bein Sport avec nos amis Brousse et Bras qui commandent notamment l'édition, donc l'émission hebdomadaire. Et donc voilà, ça se développe petit à petit. On voit aussi Konami qui pointe le bout de son nez avec l'eFootball Pro. Donc à partir de cette année, il y aura une compétition officielle donc organisée par l'holding, la boîte de Gérard Piqué qui s'appelle Cosmos. Et donc là, on va avoir une compétition interclub. Il est partout Gérard Piqué en fait. Ouais. Le type, il a mis le. Ouais, bah, en même temps, voilà, l'e-sport, on sait que l'expansion, l'explosivité de l'industrie des jeux vidéo, voilà, c'est pas négligeable. Donc beaucoup d'investissements. Et Gérard Piqué, lui, a bien compris aussi l'importance d'investir dans ce milieu-là. Et il lance donc sa propre ligue, eFootball Pro, sur PES. Donc ça veut dire qu'il y a des clubs, même en France, comme Monaco eSport, qui va représenter donc la France lors de la compétition. Donc il y aura, donc, d'après ce que je sais sur la première saison, il y aura que 8 équipes. Donc en France il y a Monaco, ensuite il y a le Barça, il y a Schalke, il y a Celtic, Glasgow Rangers, il y a Santos au Brésil. Donc voilà, c'est en train de se, j'en oublie peut-être. Bon, ça se développe, voilà. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, ça se développe bien. Après, il faut que les éditeurs continuent à faire les efforts. Il faut que les jeux suivent aussi, que les simulations attirent le plus de monde possible pour pouvoir continuer à développer vraiment le foot virtuel. Oui, Benoît, Julien, moi j'avais une question parce que vous représentez les Girondins de Bordeaux, mais tout bêtement, est-ce que quand on représente les Girondins de Bordeaux, on est obligé de jouer avec les Girondins de Bordeaux? Alors, nous, c'est vrai qu'avec Julien, la saison dernière, on a eu la chance de représenter donc, le club des Girondins à l'Orange Ligue 1. Sur FIFA, donc, il y a un mode de jeu qui s'appelle FIFA Ultimate Team, où en fait, vous devez construire votre équipe. Donc, vous avez des packs. Comme à l'époque, on avait, nous, vous savez, les cartes Panini à collectionner, on ouvre des paquets, etc. Ben là, dans le jeu, on ouvre des packs, on a des joueurs qu'on peut ensuite intégrer dans notre équipe pour faire des liens sur les championnats, les nationalités, les positions, les postes, etc. Et donc, on peut donc, si vous voulez, arborer le maillot des Girondins avec les cuissons, etc. Mais on peut se retrouver avec Ronaldo, Salah, etc. Sauf que l'Orange Ligue 1, la spécificité, c'est que des joueurs de Ligue 1. Donc, on va avoir... tu peux avoir Mbappé. On peut avoir Mbappé, coup, Neymar, Cavani devant. Et puis c'est là où on voit que c'est vraiment un jeu vidéo. Quand même. Pardon ? On prenait pas de Marseille. Mais t'as pas le choix, c'est au hasard. C'est pas au hasard. On se crée notre équipe. Alors c'est vrai que des fois, j'avoue, par principe, on refuse de mettre des Marseillais. Mais imaginez un Marseillais qui fait la compétition. Si on met pas le joueur du PSG, c'est compliqué de gagner. Donc des fois, il faut passer à travers ces. Et on utilise des joueurs qui sont, comme on dit dans le milieu, cheatés un peu. C'est un peu abusé des joueurs. Stop, instant dictionnaire, cheaté, Thomas. Ah, il l'épelle pour commencer. Des bons joueurs en clair. Des joueurs qui ont des capacités au-dessus des autres, on va dire. Voilà, meilleur virtuel qu'en vrai. Après, mais il y en a plein, ça, en Ligue 1. Le mode FIFA Ultimate Team, c'est un mode où en fait il y a des cartes évolutives, donc des boosts, comme on l'appelle, qui, donc selon le live, en fait, toutes les semaines, selon les performances dans les championnats, ils ont des cartes qui évoluent avec des notes plus importantes. Du coup, avec bon, il y a un marché des transferts, donc un coût plus important. Et en fait, plus on a de crédit, plus on a de, d'argent à investir, mais plus on peut avoir une grosse équipe. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais, du coup, c'est quoi ton équipe alors à peu près? Bah, ça dépend pour les Ligue 1 ou même mon équipe. L'équipe avec qui je joue le plus souvent en fait. Bon, genre pour un tournoi par exemple. Genre ça dépend le tournoi en fait, parce qu'il y a des tournois comme les Ligue 1 où il faut que des joueurs de Ligue 1. Donc par exemple mon équipe de Ligue 1 ça va être je sais pas, Mbappé, Cavani, Neymar, premier milieu ça va être du j'avais qui cette année T'imagines Mbappé sous mode Bordeaux. Fabiano, Fabinho, Gustavo. Ouais, en petite, défense, petite équipe quoi. En défense j'avais qui déjà? Meunier qui était très utilisé. Meunier je mettais dans l'axe, dans l'axe. En central. Il y avait Marquinhos, Thiago Silva. Voilà. Alors, ouais, moi j'ai une question parce que voilà, je découvre un petit peu ce monde-là. Concrètement, Julien, toi, aujourd'hui, tu vis de ta passion, enfin de ta passion, de ce que tu fais. Tu arrives à en vivre correctement? Alors, ou c'est quelque chose que tu fais en parallèle de? Actuellement, c'est en parallèle. Actuellement, j'ai pour but de peut-être espérer un jour d'en vivre. Donc ça, on verra très prochainement. Comment ça va se passer, mais pour l'instant c'est en parallèle parce qu'à côté je travaille bien sûr, mais j'espère que d'ici quelques temps je pourrai en vivre pleinement. Ça se passe un peu, alors je vais peut-être faire une relation, vous me direz si elle est bonne ou pas, un petit peu comme le poker où voilà, quand un talent se révèle, tu peux intégrer une team, genre tu sais, Winamax, un truc comme ça. C'est comment ça se passe? C'est les teams qui viennent vous chercher, qui peut-être viennent voilà dire bah là on est intéressé par. Ouais. Alors bon, nous on est structure locale. Hein. À la base on est une asso loi 1901. Donc moi Julien je connais, il était très jeune. Hein. Et donc quand on a un talent comme ça, on essaye de le faire évoluer sur les compétitions officielles à un niveau plus élevé. Donc c'est vrai que il y a des compétitions, par exemple on a vu l'année dernière l'e-football de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine qui a créé sa compétition d'e-sport, donc Julien en plus a eu la chance de remporter. Et ensuite au niveau national, quand on arrive à performer, l'année dernière il y a deux ans il a fait top 3 français, il a fait un top 8 Orange Ligue 1 aussi l'année dernière, enfin, cette saison qui s'est achevée. Après ça veut dire que quand on est performant, quand on a des résultats, on peut être contacté par d'autres structures professionnelles, par des clubs de foot. Ça peut être voilà, pour même des fois pour représenter des marques, ça peut être du sponsoring, ça peut être du droit d'image, ça peut être pas mal de choses comme ça. Et donc on va chercher forcément les joueurs les plus compétitifs avec le plus fort potentiel, aussi en termes d'image, en termes de progression. Donc plus le joueur est jeune, plus on sait qu'on va peut-être pouvoir l'amener plus loin. Voilà, y a tous ces facteurs qui rentrent en compte. Mais voilà, Julien à l'heure actuelle c'est un jeune espoir français qui est plutôt bien coté sur la scène nationale, et on a bon espoir bien sûr qu'il puisse accéder à un statut professionnel incessamment sous peu. Cyril, l'âge c'est quoi? Parce que du coup est-ce qu'il y a un âge minimum? Alors, ou En fait l'âge, pour commencer, on peut pas vraiment dire qu'il y a un âge. Il faut savoir qu'en France on a une spécificité, c'est qu'on a des grands champions dans le foot virtuel. Je pense qu'en France on a eu les meilleurs champions, que ce soit sur FIFA ou PES. On a des titres de champion du monde à peu près sur tous les jeux, enfin tous les FIFA PES qu'on a eu, on a toujours eu des grands champions. On a eu un champion du monde à 12 ans en France, le petit Anna Sophie alias Astank, qui a été champion du monde. Monter des mecs de 25 piges. Après, moi je suis plus dehors. Si je prends un mec de 12 ans, je suis plus dehors. Ce sont des phénomènes. Après, on a des gens qui font la compétition très jeunes. Bon, 12 ans, c'est vrai que c'était quand même à l'extrême. Maintenant, pour les compétitions, il faut avoir minimum souvent 16 ans. D'autres compétitions, voire même 18 ans. Et ensuite, on peut jouer jusqu'à 20, 30. Il y en a qui dépassent les 30 ans. Mais bien sûr, qu'à un moment donné, en termes de réflexe, d'exigence, ça devient compliqué, surtout au niveau de la concentration. Par exemple, un jeu comme FIFA, où on joue à donc FIFA Ultimate Team, le FUT Champions, les qualifications online, il faut faire 40 matchs tous les week-ends. Tous les 40 week-ends matchs. 40 Vous avez matchs. Du vendredi au dimanche soir pour. De combien de temps le match? Donc, ouais, deux fois 6, mais bon, avec les arrêts de jeu, les coups, les formations, etc. Il faut faire 40 matchs dans un quart d'heure. Une petite vingtaine de minutes. Dans un week-end. Il faut faire 40 matchs. Donc ça veut dire que c'est très exigeant, c'est beaucoup, c'est un enchaînement de matchs, donc mine de rien, c'est épuisant, c'est de la fatigue, etc. Donc quand on est jeune, on arrive plus facilement à enchaîner, à être performant sur la durée. Quand on a mon âge, on va être performant les 10 premiers matchs et après on va commencer à perdre des matchs. Et c'est que des qualifications derrière. Mais ces qualifications, c'est important puisque voilà, FIFA Ultimate Team, c'est un circuit mondial. Donc ça veut dire que derrière, il y a des qualifications pour des étapes régionales. Il y en a eu à Manchester, à Barcelone, etc. Et après, il y a la grande finale mondiale où il y a un cash prize énorme à gagner. Il y a eu plus d'1 million de dollars de cash prize au cumul cette saison. la finale qui s'est jouée d'ailleurs à Londres là au mois d'août à l'O2 Arena, c'est d'ailleurs un Saoudien qui l'a remporté. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, enfin on s'entraîne toute la semaine, on fait Foot Champions le week-end et ça peut nous amener carrément à un titre de champion du monde, voilà. Alors qu'on part à la base de match online dans son canapé, quoi. Alors, tu parlais de préparation concrètement, Julien, quand tu sais que tu dois participer à un week-end. Alors les tournois, c'est soit c'est sur un week-end, sur une semaine, ça se passe comment? Souvent c'est sur un jour même quasiment. Après les Ligue 1, c'est sur souvent ces deux journées et les phases de poule et ensuite les phases finales. Et concrètement, alors comment tu te prépares en termes de, je sais pas s'il y a une préparation peut-être physique, mentale. Préparation physique. Enfin, moi personnellement, je fais du sport à côté. C'est surtout pour évacuer la pression. Ça me fait du bien parce que j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot avant. Je peux pas arrêter sans rien faire. Sinon, la préparation, ça va être forcément quand un tournoi arrive. Ben, je vais me concerter avec Benoît pour voir mes points faibles actuels, mes points forts, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Donc vous travaillez comme un, entre guillemets, club de football, un club de football réel, c'est-à-dire que si ton point faible, je dis une bêtise, c'est peut-être, je sais pas moi, les coups de pied arrêtés, les phases offensives, ce genre de trucs, vous bossez vraiment comme Moi personnellement, j'enregistre mes matchs en fait. Les matchs que je fais par exemple le week-end sur Foot Champion, les 40 matchs, j'en enregistre et ensuite je les regarde pour voir ce que j'ai fait de bien, pas bien, et j'essaie de corriger les week-ends d'après et je vois ça avec Benoît. En clair, aujourd'hui, est-ce que tu te considères vraiment comme un sportif au sens propre? Moi je pense sincèrement que c'est un sport très très mental. Mais c'est aussi physique parce que si on n'est pas en bonne condition physique pour durer sur 40 matchs, c'est vrai que si on se fatigue facilement, ça peut être très compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont quand même un souci avec ça, dire que l'e-sport, c'est un sport. C'est une question, donc là, on a posé une question sur les réseaux sociaux. Est-ce important pour vous que les Girondins s'investissent dans le e-sport? C'est à l'image un peu de la société française aujourd'hui. On a eu 54% de personnes qui ont répondu oui et 46% qui ont répondu non. Donc on voit que c'est quand même encore assez mitigé chez les gens. Mais voilà, c'est Benoît, on en parlait tout à l'heure en off, c'est l'avenir, c'est le e-sport. Même si les gens, ça leur plaise pas parce que c'est pas forcément les gens se disent, c'est ouf. C'est peut-être ce que se disent les gens, c'est de dire, c'est peut-être aussi le mot sport. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'appellerait e-loisir. Je pense que les gens seraient moins. Oui, mais c'est un rapport avec le sport. Et après, c'est ce qu'on disait avec Benoît tout à peut-être l'heure. Peut-être que c'est le mot qui est encore un peu méconnu, qui fait un petit peu peur, on sait pas trop vers quoi on s'oriente. Après, on va se bloquer aussi en France, on va se bloquer sur des idées fixes aussi. Voilà, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu en retard en France, notamment au niveau e-sport. Donc, au niveau de l'industrie mondiale, il faut savoir que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde. Il y a eu plus de 2 milliards de dollars d'investissement encore sur l'année 2018. On sait qu'il y a un vrai engouement, il y a quelque chose de concret qui arrive. Et en France, quand on pose la question, est-ce que vous pensez que c'est bien que les Girondins investissent dans les sports, etc., faut pas croire qu'en France, un club de foot va investir des millions. Le PSG Sport, quand il est arrivé, a voulu se lancer sur League of Legends. C'est on parle du PSG avec tout ce que ça comporte PSG de moyens. Qui a des moyens hors normes par rapport à tous les autres clubs français. C'est un investissement autre. Ils l'ont fait la première saison, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'ils ont arrêté au bout de la deuxième, quasiment. Si un club comme les Girondins s'investit dans les sports à l'heure d'aujourd'hui, ça ne sera pas des investissements colossaux. Il n'y a rien de. C'est pas pour autant qu'ils ne pourront pas acheter de joueurs à côté ou faire fonctionner le club. C'est plutôt pour développer, comme on en parlait tout à l'heure, en termes d'image, marketing, communication, c'est pour développer aussi l'image du club. On a toujours cette image un petit peu, l'ancienne, le haillant, le truc tranquille, etc. Mais l'e-sport, ça reste l'avenir. On n'est pas la première industrie culturelle au monde sans avenir. C'est pas quelque chose d'éphémère. Les gens qui pensent que c'est juste une mode, je pense qu'ils se trompent complètement. Et puis, Julien, dans un vestiaire, tu prends pas plus de place qu'un autre joueur. Non, non. C'est clair. Juste un petit truc pour casser une idée reçue que j'ai souvent entendue, que ce soit dans des débats télévisés ou à la radio ou quoi. Juste pour casser une idée reçue, le joueur d'e-sport, on a peut-être l'image du... Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais on a peut-être l'image du geek qui sait pas quoi faire de sa vie et qui si, se dit tiens, je vais jouer à FIFA. Boute, mais boutonneux et gros, FIFA, c'est pas méchant à dire, mais c'est ça. Voilà. Comme les animateurs radio ou. Non, oui, juste... oui, bah oui. Mais nous, on est moches, on nous voit pas. Tu vois, c'est, pas... c'est pour ça qu'on fait de la radio. C'est pour ça. Voilà. Demain, ils m'ont lancé un truc. Ouais, les gars, faudrait peut-être penser à filmer l'émission. Non. Non, pas filmer l'émission. Bah, ça, tu vois, c'est comme l'e-sport. C'est une idée qu'ils n'arrivent pas à comprendre encore et qu'on va essayer de travailler. Parce qu'après, ils veulent revoir les émissions. Ouais, là, t'étais trop là, t'étais trop sur la fenêtre. Non, moi je regarderai pas les émissions, déjà je les écoute pas. Non, mais pour casser cette clichés. Image non, bien un peu sûr, il y a des clichés. Je pense que des fois, il y a des clichés qui peuvent se vérifier. Là, en l'occurrence, ça se développe tellement, ça se professionnalise tellement. Il y a des équipes pro, il y a des joueurs, qui sont professionnels, qui sont salariés, qui gagnent très très bien leur vie, qui ont des contrats énormes. Je sais pas si on réalise, même avec les télés, les éditeurs, les grosses. T'as une échelle à peu près à donner pour avoir une idée de. Un gros joueur, un top joueur mondial à peu près. Ouais, ça... Après, tout dépend du jeu. Sur FIFA, ça reste relativement faible par rapport à des Dota, des LOL, etc. C'est, en fait, tout est relatif par rapport au jeu, par rapport à l'apport qu'il y a, la visibilité, les retours qu'il peut y avoir sur les événements, sur les streams, sur les lives, etc. Donc c'est assez compliqué, on ne peut pas se positionner comme ça. Est-ce que le retard qu'a la France, ça peut avoir une conséquence, une sorte de fuite des talents qui irait dans des équipes étrangères qui proposerait de meilleurs salaires, de meilleures conditions, etc. C'est vrai que dans l'idée, c'est pas impossible. On a quelques joueurs français qui évoluent dans des équipes étrangères, mais on a quand même la chance en France d'avoir un savoir-faire. Faut pas non plus se leurrer. L'e-sport, on n'est pas très avancé, mais déjà à la base, il faut savoir c'est qu'on a toujours eu un tissu associatif très très fort et très présent. Et que si on a une locomotive aujourd'hui comme le PSG, il y a quand même des structures comme Millennium, comme Vitality, Epsilon, bon c'est pas français, qui ont quand même toujours été très présents, qui ont fait évoluer l'e-sport en France, ça reste des valeurs sûres, et c'est-à-dire qu'ils arrivent à garder des gros joueurs. Après, on voit que sur PES par exemple, on a Monaco qui a recruté deux joueurs français, et on voit par exemple Santos qui a pris un joueur français d'origine portugaise, donc par rapport à la langue, c'était aussi peut-être une question de facilité pour représenter Santos pour l'eFootball Pro. On a un joueur comme Aero qui joue pour Envy, quoi, qui est une team étrangère aussi. Donc on arrive pour l'instant à garder des champions, puisqu'on a eu par exemple Rocky, dernier champion du monde français, qui était chez Vitality, qui est maintenant au PSG. Donc voilà, il aurait pu partir peut-être dans une autre équipe, non, il est resté en France, parce qu'on a quand même des vraies structures qui sont vraiment qualitative, représentative même du niveau international. Quand on parle de Millennium, Vitality, etc., ce sont des très très grosses structures mondiales. En termes de jeu, chaque année, donc ça change. Mais est-ce qu'il y a des subtilités que toi, en tant que coach, tu vois plus vite que la normale, en fait, que des gens comme moi ou... Alors, c'est vrai que... Déjà, est-ce que vous avez le jeu plus tôt que les... Que... Alors, certaines fois, on peut avoir le jeu un peu plus tôt ou l'essayer un petit peu en amont. Des fois, on a des bêtas, on a des versions test, on est invité par les éditeurs. Ça arrive. Ça n'existe plus, les démos? Si, il y a les démos. Tu te rappelles, c'est des démos que tu avais sur la première play. Tu avais un match avec deux équipes autour. Si, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que là, on a eu... Là, on a une démo qui est sortie, c'est PES 2019, qui a vraiment très très bien fonctionné. Là, le jeu est sorti et c'était très très bonne version de PES. Là, on retrouve des sensations de simulation de football très intéressantes. Donc pour les anciens puristes de l'époque, c'est PES. Je les invite, je recommande fortement de tester si vous aimez vraiment pratiquer de la simulation, créer des actions, prendre votre temps, faire du jeu. Et après, c'est vrai que quand on est un peu plus côté freestyle, côté skills, gestes techniques, plaisir à tout va, c'est vrai que FIFA c'est un peu plus arcade à ce niveau-là, donc ça peut aussi trouver son public. Mais ensuite, nous, ça fait tellement d'années en fait qu'on baigne là-dedans, donc, que ce soit PES, FIFA, tous les ans, on les teste, on les essaie, etc. L'évolution, le gameplay, il y a rarement de révolution. C'est-à-dire que quand on passe d'un PES 18 à 19 ou FIFA 18 à 19, il n'y a pas de grande révolution. Les gros changements, on peut les trouver des fois sur les changements de console, les nouvelles générations. On l'a vécu, changement de PS2 à PS3. D'ailleurs, c'est là que FIFA a pris le dessus sur PES. C'est sur ces changements de support qu'on peut voir des grosses évolutions. Donc nous, les gameplay, on les maîtrise déjà à peu près. Il y a toujours des petites nouveautés, bien sûr, qu'ils agrémentent, ils refondent un petit peu le gameplay. Il y a des choses qu'il faut un petit peu assimiler. Donc au début, il y a énormément d'heures de jeu. Faut pas se cacher, quand le jeu sort, on dit qu'on saigne un maximum, on pense le jeu. Je sais très bien que par exemple, à une époque à FIFA, on savait très bien que le corner tiré au premier poteau, il était toujours dangereux. Mais c'est des trucs. Comment il y a des choses. En fait, à force de pratiquer, il y a des joueurs qui En plus, en France, on est très très fort pour ça. À PES, pendant des années, on trouvait des bugs absolument incroyables avec des coups francs de 40 mètres, etc. Je me rappelle, il y en avait un aussi, je sais plus, c'était un R1 quelque chose, tu pouvais tenter une espèce de simulation, un truc genre tu tombais. Bah, je parle ça oui, sur simulation, vieille, vieille, vieille, ça n'a jamais été très très efficace en compétition, mais, à part pour prendre un jaune, bien sûr. Mais après, voilà, à force, il y a des gros joueurs. En plus, maintenant, il y a du live, il y a du streaming, donc on voit ce qui marche. Donc des fois, il y a aussi ça. On voit par exemple FIFA 18, la frappe croisée. Donc, bon, pour les joueurs PES, c'est plutôt double carré. Pour les joueurs FIFA, c'est plutôt double rond. Et c'est vrai que c'est des frappes qui rentrent très facilement. Donc après, c'est systématique. Frappe par terre tendue, c'est systématique. PES, pendant des années, c'était le fameux carré R2. Il y a des choses qui reviennent en systématique. Là, PES 2019, on a encore trouvé des nouvelles frappes, des petits lobes où on voit que le gardien il fiche facilement. Voilà, c'est. C'est des choses qu'on trouve relativement vite. Après, des fois, il y en a certains qui trouvent des phases ou des systèmes qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc après, chacun a ses spécialités, mais en général, on maîtrise tous, à un moment donné, les gestes les plus efficaces, les finitions devant le but les plus efficaces. Et ça, c'est... Moi, j'avais une petite question. Toujours avec Julien Torres et Benoît Amédée. J'avais une petite question, en fait, pour Julien. En fait, quand tu as les deux jeux FIFA et PES devant toi, est-ce que tu prends un jeu, juste un jeu, et tu te dis pendant toute l'année, je veux faire à 100% FIFA, ou tu te dis pendant un ou deux mois, je me laisse, j'hésite entre les deux, et après, ou je fais les deux toute la saison, comme tu veux. En tant que compétiteur FIFA, forcément, je ne jouais que sur FIFA. Même si PES, j'ai pu tester un peu le 19, c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Et c'est un jeu où je retrouve vraiment les sensations de jouer au football, en fait. C'est vrai que sur les derniers FIFA, à part le 17, c'est vrai que le 18, ça a été une année très compliquée en termes de plaisir de jeu. Je suis pas le seul, enfin Rocky aussi, un pote à moi qui joue au PSG, il a passé une année catastrophique, il était champion du monde. Et donc voilà, ça a été une année très compliquée. Donc quand j'ai pu tester le 19, ça fait du bien. Donc on attend de voir ce que va donner FIFA 19. T'aurais une vraie. Et après, je te donne la parole, Thomas, t'inquiète. T'aurais une vraie. Pas difficulté, mais ouais, une vraie remise en question à passer de FIFA à PES. C'est vraiment si. Une remise en question. Je t'avoue que ça fait 20 ans que j'ai pas joué à FIFA. Est-ce que vraiment ça poserait vraiment des difficultés en termes de... Bien sûr, c'est un jeu totalement différent. Il faudrait bien un ou deux mois pour apprendre à jouer correctement. Ah oui, vraiment correctement. Correctement, c'était en compétition ou correctement contre moi ? Ce qui est compliqué. En fait, on peut jouer aux deux jeux, plein de jeux, mais pour être vraiment compétitif et performant, quand on passe d'un jeu à l'autre, on se dirait que facilement. Il y a très peu de joueurs qui sont capables d'être performants sous les deux simulations. Nous, on avait un joueur chez nous qui avait tendance à se qualifier pour tous les ans pour la finale nationale FIFA et PES. On ne sait pas trop comment il fait, on salue, c'est Maltais. Et c'est vrai que lui, il avait cette facilité-là. Mais moi, j'avoue que, par exemple, hier, je jouais à PES, aujourd'hui, je joue à FIFA, je ne vais pas être performant parce qu'il y a des automatismes, il y a les gestes techniques, c'est pas du tout la même chose non plus. Il y a certaines touches qui sont pas équivalentes. De coaching aussi, c'est. Alors en termes de coaching, c'est pas tout à fait la même chose. Mais après, le coaching, ça englobe tout ce qui est tactique, etc. Il y a le talent du joueur qui fait que des fois le coach, le coach a parfois aussi moins de talent que le joueur. Hein, faut dire ce qui est. Et le coach est là. Ça, c'est comme dans la vraie vie. Et le coach est là. Non, mais bien sûr, le coach est là aussi pour tout ce qui est aspect mental, tout ce qui est pendant les compétitions, le coach il est là pour conseiller, pour aider, pour rassurer, pour des fois par manque de lucidité, nous on a un peu de recul, donc on peut dire les choses à tel moment qui vont l'aider pour faire les changements, qui pense à pas faire certaines erreurs, etc. Donc c'est un tout, mais honnêtement je pense que c'est compliqué. On a eu certains joueurs comme Walid Rachid Tebban, donc Ousmane Kabil, qui a été champion PES champion du monde PES pendant 2 ans. Il est passé sur FIFA et pendant 2 ans sur FIFA, il était top 3 français. Il y a des phénomènes comme ça qui arrivent à le faire, mais d'une année à l'autre, il a pas fait les deux jeux en même temps la même année. Ça paraît plus compliqué d'être performant sur les deux. Moi, j'ai une question, Benoît, et après je te donne la parole, Thomas. Pas de problème. Aujourd'hui, t'es coach donc de PEST, je sais plus le nom. PEST eSports. PEST eSports. Voilà. Est-ce qu'un jeune peut venir te voir? Est-ce que tu as un local ou quelque chose comme ça? On a beaucoup de jeunes qui nous contactent. On a beaucoup d'équipes, même de rosters, de différents jeux, etc., qui nous contactent. Nous, on est vraiment spécialisé FIFA, PES. On fait du 1 contre 1, mais on fait aussi du club pro, donc le mode de 11v11 sur FIFA. Voilà. Donc on a. C'est toi le boss d'entrée en fait. Faut jouer, faut te battre. Si on te bat, parce que maintenant je suis battable. À l'époque, je me défendais vraiment pas mal. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je joue moins, j'ai un peu moins de réflexes. Mais en fait, que ce soit sur FIFA ou PES, on a des joueurs qui nous contactent. À la base, on a toujours été plus porté sur le local parce que nous, on était une asso. On a fait beaucoup de tournois de compétition. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous autour de la table ont participé à des tournois sur PESA que j'ai organisé à l'époque. Il y a très longtemps, monsieur. Ça me rajeunit pas, mais c'est une réalité. qualité. Ouais, et maintenant, c'est qu'avec l'online, on a tendance à s'ouvrir un petit peu et qu'on n'a pas que des Bordelais. On a des gars d'un petit peu partout. Là, on a recruté d'ailleurs un petit Toulousain très intéressant, d'ailleurs, un petit Dexter récemment. On recrute des joueurs. C'est pas le nôtre. On a un auditeur, mais son pseudo c'est Dexter, mais je crois pas que ce soit le même. Ils ont le même pseudo, mais bon, pas les mêmes valeurs. Mais bon, en tout cas, on a des jeunes joueurs comme ça qui arrivent. Ensuite, on a cette année, on a une école sur Talence qui s'appelle EGS eSports Gaming School, avec qui on a un partenariat, avec lesquels on va travailler, puisqu'en fait, ils ouvrent des formations. Donc, ils ont des formations digitales et formations eSports. Donc, en fait, ils vont avoir des sections de jeux. Donc, il y a du LOL, il y a du Fortnite, du CSGO et il y a du FIFA. Et donc, nous, on va souvent être là-bas pour cette saison pour faire du stream, faire du coaching, faire des jeux, etc. Donc c'est plutôt là-bas qu'on pourra nous trouver. Et sinon, après, c'est beaucoup d'online, beaucoup de réseaux, parce que quasiment toutes les qualifications, que ce soit PS ou FIFA maintenant, se font online. Les éditeurs ont compris que c'était beaucoup moins contraignant financièrement, beaucoup plus simple à mettre en place, donc online avant tout. Thomas ! Ouais, moi j'avais une petite question pour Julien, on parlait tout à l'heure des tactiques et tout. Toi, ton style de jeu, c'est plus un style direct ou plus défensif ou plus des gestes techniques? Alors moi, ça a toujours été basé plus sur la construction. J'aime bien prendre mon temps, bien analyser le jeu de l'adversaire et puis après j'arrive Pep à m'adapter par rapport... Comment? Pep Guardiola de FIFA. Ah, c'est pas Bordeaux quoi, tu lances pas des gros ballons devant. Après on m'appelle des fois, on me dit que je suis un joueur hybride. Parfois ça m'arrive en plein cours de match. Par exemple, je joue beaucoup en 4-2-3-1 de base, mais des fois ça m'arrive de passer en 4-1-2-1-2 et de jouer beaucoup plus direct. Enfin, j'ai plusieurs arcs. Ouais, quand tu vois que quand le joueur adverse, c'est t'as failli par rapport faire à sa composition. Qui avait sorti plusieurs arcs à mon flèche? Qui avait sorti Henri ça? Henri CV. Je me suis rattrapé. Voilà. Ouais, t'as bien. Pas mal. Tu t'adaptes aussi à la formation de ton adversaire du coup en même temps. Oui, après. Et de ses joueurs, Après, je suis plus. Enfin, moi, j'essaie plutôt de mettre mon jeu en place. Je vais pas trop regarder comment l'autre joue parce que souvent, ça fait défaut ce genre de choses. Donc, je préfère mettre mon jeu en place que lui plutôt s'adapte à moi. Et puis ensuite, on voit comment le match se déroule. Pendant un match. Alors, question de totalement de novice. Ouais, de néophyte. Pendant un match, Benoît peut te t'aider ou c'est toi qui gères tout ton truc ou il peut te dire comme un coach voilà. Est-ce que tu prends une soufflante par Benoît si tu prends un bébé? Est-ce qu'à la mi-temps des fois il te... Non, il peut me donner des consignes tactiques. Souvent il peut me dire fais attention, là je trouve que ton bloc est trop bas, là il est trop haut. Essaye de plus le presser, de jouer plus sur les côtés. Enfin, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui vont t'aider pendant le match. Et puis aussi, parfois, on est en plein dans le jus, on est en pleine pression. On oublie de faire peut-être un changement qu'on aurait dû faire en temps normal. Là, on oublie de le faire. Et du coup, ça peut vraiment nous aider en temps de match très, très compliqué. Et je suppose que tu étudies aussi le jeu de tes adversaires. Parce que quand tu joues combien de matchs des fois par jour, c'est peut-être un peu compliqué de... C'est compliqué à dire, mais par exemple, le week-end, donc on a 40 matchs à faire. Mais c'est pas forcément contre des joueurs qu'on connaît. Des fois, on tombe contre des joueurs pros qu'on connaît. Mais parfois, ça peut être contre des joueurs qu'on connaît pas du tout, et donc on n'a pas forcément le temps de s'habituer à comment l'autre y joue. Après, quand on fait des compétitions nationales, forcément, quasiment tous les joueurs qu'on affronte, c'est des joueurs qu'on connaît. On connaît à peu près leur style de jeu. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il y en a, comme moi, on a plusieurs styles de jeu parfois, donc voilà. Adrien, Thomas, qui veut y aller? Dans ton équipe FIFA, est-ce que tu as des joueurs que tu prends presque systématiquement, si tu peux? Vu que je sais aussi qu'il y a des fois le souci, certains joueurs qui, dans la vraie vie, sont très bons et qui, dans FIFA. Non. Mon gars, sur PES, ça là, il a mis 25 buts sur PES quand j'ai pris en 2014, 2015, je crois, un truc comme ça. Par exemple, Messi, qui dans FIFA a le problème de ne pas être assez physique par rapport à d'autres joueurs, est-ce que tu as des regrets sur certains joueurs et est-ce que tu as les joueurs préférés que tu prends tout le temps? Bah forcément, depuis des années maintenant, il y a Ronaldo. Bon, il est très fort en vrai aussi, mais dans Ronaldo, c'est une vraie machine dans le jeu. Il est 10 fois au-dessus de Messi, par exemple, alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. Et oui, du coup, il y a des joueurs qui sont plus utilisés que d'autres, forcément. Après, ça dépend aussi du style du joueur. Hein. Voilà. Et quand tu parles de Ronaldo, donc, qui est 10 fois plus fort dans le jeu, est-ce que tu penses que ça a un lien que ce soit l'égérie du jeu cette année? Non, je pense que. Ah, c'est pas idiot ça. Je pense que genre, c'est ils l'ont un peu boosté. À ses caractéristiques en vrai, en fait. En vrai, il est plus complet, plus grand, plus puissant. Donc, Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que. il est amélioré parce que c'est l'égérie du jeu. Moi je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en fait c'est tout simplement au niveau du gameplay du jeu, l'inertie des joueurs. Par exemple, on voit sur FIFA, c'est un jeu qui est beaucoup plus basé sur la vitesse. C'est-à-dire que si t'es un joueur rapide, il fera la différence systématiquement. Bon, Ronaldo c'est une bombe, Messi il va un peu moins vite. Après il y a la taille aussi qui joue. Bon, vous voyez, cette année vous jouez à PES 2019. Et l'accélération. Le joueur rapide c'est bien, mais finalement si vous avez un tank devant, un gars costaud, il gagnera autant de duels voire plus. Alors qu'à FIFA, c'est vrai que si on a qu'un tank qui n'avance pas, il va quasiment rien faire. C'est-à-dire que là on est sur vraiment du gameplay. C'est-à-dire que FIFA c'est beaucoup plus arcade et ça va vite. Donc plus le joueur va vite, plus il fait de différence. Et PES, vu qu'on pose, on fait du jeu, mais comme en équipe de France. Si tu mets un joueur rapide en pointe, ça marche pas toujours, mais tu mets un Giroud qui tank et qui pousse, etc., ben, tu fais la différence avec lui, quoi. Bon, d'ailleurs, j'ai une question sur ça, parce que vous parlez de Ronaldo, de Messi. Mbappé, qui a été pendant la Coupe du Monde, qui a fait preuve d'une vitesse exceptionnelle, parce que je crois qu'il a eu. 37. Il a une pointe. 37 voilà. km/h. Aujourd'hui, comment les jeux vont pouvoir rendre cette vitesse-là et cette impression de vitesse-là par rapport aux autres? Du coup, est-ce qu'il va pas y avoir cette sensation-là, justement, de joueurs un peu dopés? Alors, moi, je sais pas, moi, c'est dopé. Mais non, mais en fait, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un retournement total de situation dans les jeux, puisque on voit que Ronaldo, pas forcément à la Juventus, ça marche pas forcément. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'air là qui va s'opérer là sur ces jeux-là? Je pense que c'est surtout dû au gameplay en fait. Si le gameplay il est fait pour avoir des joueurs rapides. Par exemple, il y a eu des FIFA où forcément il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus forts que maintenant. Genre, je sais pas, un FIFA 17, on pouvait très bien avoir un Zlatan devant, très efficace, mais sur le 18, il sert quasiment à rien, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est dommage, c'est surtout par rapport au gameplay. Voilà. Parce que moi il y a quelque chose que j'ai pas compris. Quand tu es en compétition. Que tu joues contre, un autre champion, t'as le droit d'avoir les mêmes joueurs que lui ? Oui. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas équitable. C'est pas la vraie vie. Tu peux avoir deux Neymar l'un face à l'autre, deux Mbappé. Ça c'est tout ce qui est compétition FIFA, effectivement, puisque même si t'as le mode des Girondins et l'autre mode du PSG, vous avez quand même toujours les mêmes joueurs. Après, c'est vrai que Konami, eux, ils prennent le contre-pied. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Monaco va rencontrer le Barça. Ils auront chacun leur propre joueur, leur propre effectif. Par contre, il y aura un mode rééquilibré. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde aura 84 ou 85 de général. Parce que sinon, c'est un peu compliqué de suivre Messi et compagnie avec la défense de Monaco. C'est ce que je racontais tout à l'heure dans ce fameux tournoi où j'ai participé il y a très longtemps, où moi et mes collègues, on était les trois seuls imbéciles à avoir l'Italie, l'Argentine et les Pays-Bas. Sinon, c'était les matchs, c'était Brésil contre Brésil, France contre France. Et t'avais que ça. Et t'avais les mêmes 11 contre 11. Et c'était. Ouais. Avant que FUT soit imposé par IA, on avait que du Real quasiment pendant des années sur FIFA. Donc, effectivement, ça perd un peu de son charme. Donc, quand on veut faire du live, quand on veut faire des streams, quand on veut faire une diffusion de TV, heureusement qu'ils changent au moins les maillots. Parce que c'est vrai que sinon, c'est Ronaldo contre Ronaldo, Cyborg contre Cyborg. C'est vrai que ça perd un peu de saveur, quoi. Et c'est vrai que des fois, les clubs n'y se retrouvent pas toujours. Parce que, comment expliquer que, par exemple, le Barça, t'as le maillot du Barça, l'équipe du Barça, et tu marques des buts avec Ronaldo. Ouais. Je suis pas sûr que tous les supporters apprécient non plus. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Marseille, quoi. Avec des Marseillais à Bordeaux, ou des Parisiens à Lyon. Voilà. C'est du marketing américain. Après, FUT Champion, c'est un gros business. Hein. On sait que c'est un mode de jeu où il y a des joueurs qui mettent beaucoup d'argent, faut pas se cacher. Cette année, on a dit FIFA 18, c'est un pay to win plus que jamais, parce que pour avoir une équipe performante, il faut mettre beaucoup d'argent. Il y en a qui ont mis des milliers d'euros dans le jeu, faut le savoir. Hein. Des joueurs professionnels, ou pas d'ailleurs, qui ont mis beaucoup d'argent. Donc après, voilà, ce sont des stratégies, on va dire, marketing, des éditeurs. Mais Konami est totalement l'opposé pour le moment de. Il y a un mode de jeu qui s'appelle MyClub, mais qui n'est pas encore autant développé. Et pour l'instant, les football pro, ça ne prendra pas du tout cette tournure-là, en tout cas. Alors, sur le chat, il y a Machoneur qui demande est-ce qu'on a le droit de mettre 11 N'Golo Kanté. Non, on peut avoir qu'un seul joueur. Bon, même s'il y a un régular, un boost, une évolution, etc., on peut avoir qu'un seul même joueur dans l'effectif. Et après, moi, c'est pour recentrer un peu sur les Girondins, donc que ce soit toi, Benoît ou. Ou Julien, les Américains arrivent au pouvoir à Bordeaux, normalement, je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut, enfin vous qui êtes représentant des Girondins, est-ce que ça peut être une perspective d'évolution? Est-ce que vous sentez peut-être plus de moyens? Voilà. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression que ça peut aller dans le sens du e-sport? Bah, très honnêtement, c'est toujours un espoir. Après, il faut savoir que Voilà, Bordeaux s'est intéressé depuis quelque temps à l'e-sport. Hein. On a représenté donc le club l'année dernière, mais déjà quand avant que Jean-Luc Truyot parte, il s'était déjà intéressé au sujet. Stéphane Martin a pris la relève avec M6. M6 s'est intéressé par le sujet puisque on était présent sur l'Orange Ligue 1. On a bon espoir que les Américains, par leur nouvelle stratégie marketing communication, veuillent investir l'e-sport et on espère qu'il y ait voilà une structure officielle avec quelque chose de plus concret que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Même si honnêtement, on a été vraiment très heureux de pouvoir les représenter officiellement parce que bon, voilà, moi je suis né ici. Je suis un Bordelais pur souche, fan du club, ancien, enfin, toujours supporter, ancien abonné, etc. Enfin, c'est un honneur, une fierté, un accomplissement de pouvoir les représenter. Donc j'espère que cette saison, on va pouvoir à nouveau les représenter et continuer en tout cas de porter haut les couleurs de... Avec Julien, vous avez prévu de... Je sais pas comment ça se passe en fait, si c'est eux qui... T'attends que eux te contactent ou toi de démarcher, de dire. Non, nous en fait ça fait plus d'un an, on est systématiquement en contact avec eux, donc il y a pas de. On est toujours en contact avec eux, même si très honnêtement je n'ai pas de contact avec les Américains du tout. J'ai rencontré voilà, plusieurs dirigeants, même Stéphane Martin, avec qui j'ai eu de très bons contacts, c'était toujours très très bien passé. Par contre, je n'ai eu aucun contact avec les Américains, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on a un bon espoir bien sûr que l'e-sport continue au Girondin. Et concrètement, pour ceux qui ne savent pas, ça représente quoi d'être aujourd'hui représentant des Girondins de Bordeaux? Bah, ça représente en fait, là en l'occurrence, c'était pour l'Orange Ligue 1, c'est une compétition officielle, donc c'est-à-dire que tous les clubs de Ligue 1 ont des joueurs engagés, donc il y a une partie donc, qualificative qui est ouverte au grand public, donc n'importe quel joueur peut s'inscrire online, fait des qualifs, et après peut aller représenter le club de Ligue 1 de sa ville ou là où il s'est inscrit, et ensuite les clubs qui le souhaitaient pouvaient engager des joueurs en fait pour les représenter officiellement, donc il y a eu toutes les équipes donc, qui avaient des structures, donc Paris, Monaco, Nantes... Lyon, etc. Dijon, qu'on fait un partenariat avec Vitality, les Girondins avec nous. Donc voilà, c'est. Après, nous, c'est vraiment notre club de cœur, donc on espère qu'on pourra continuer à représenter, parce que c'est une grande fierté. Juste, le binôme que tu formes avec Julien, tu nous as dit tout à l'heure que tu l'as rencontré apparemment quand il était tout petit, enfin beaucoup plus jeune. Elle était plus jeune. C'est vraiment. Tous les joueurs ont ce rapport avec leur coach. En termes de durée, où il y a des joueurs qui, comme on voit des fois un peu dans le tennis, où les mecs tous les ans ils changent de coach, où c'est vraiment un binôme plus qu'un seul, une seule alors, personne déjà, derrière la manette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a eu beaucoup de clubs, on appelait ça les clubs à l'époque, maintenant c'est les structures e-sports, etc. Il y a certaines structures professionnelles qui sont là depuis des années, maintenant qui sont vraiment des grosses machines, hein, qui fonctionnent très bien. On a le dit, les Minium, Vitality, tout ça. Après, sur les structures comme ça, associatives, voilà, qui ne sont pas professionnelles, nous, on est une des plus anciennes en France. Foot virtuel, on est là depuis 2004, il n'y en a pas énormément. On a plutôt une philosophie entre guillemets familiale. Nous, on a à la base, on vient du mode offline, donc on a tendance à se voir beaucoup. On faisait des entraînements systématiques en hebdo, etc. On avait des salles de training. Parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, mais c'était un plaisir de se retrouver. C'est ça qui était bien et aussi. Le week-end, on partait. On a fait 15 fois le tour de la France dans l'année pour faire les compétitions, les championnats de France, les coupes de France, etc. Donc nous, on a toujours eu ce lien assez fort entre nous. Et c'est vrai que Julien, bon, mais c'est un talent comme on n'a pas non plus tous les jours, et nous on a développé forcément une relation particulière, un peu privilégiée. On a un écart d'âge aussi qui fait qu'on a ce rapport vraiment particulier. Père-fils, voilà, c'est un grand frère ou comme un grand frère. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Donc, en plus, voilà, nous on prône des valeurs. On a parlé des GSA qui ont des vraies valeurs, une vraie image, une vraie identité. Et nous, à la peste, on a quand même. Voilà, on a quand même ce côté historique en France de par notre ancienneté, légitimité au niveau national, etc. Et du coup, on défend ces valeurs-là et je pense que c'est très important d'avoir aussi l'être humain qui va avec. Julien, c'est un joueur de talent, comme on a vu rarement chez nous, mais il a aussi des valeurs qui font que voilà, je sais qu'il n'y aura pas de choses un peu bizarres ou négatives comme on voit des fois dans l'e-sport. On voit beaucoup de joueurs qui changent, qui créent des problèmes. Il y a une question d'image aussi. Il y a certaines communautés, que ce soit Call of Duty, FIFA, on n'a pas toujours une bonne image. On sait qu'il y a des joueurs, ils sont jeunes, des fois ils sont un peu irrespectueux, et des fois ils sortent vite peu, des clous, ils ouais. se la pètent et voilà, ça dégénère. Et ça sort des insultes en anglais. Et moi, j'avoue qu'à ce niveau-là, on fait très attention. Voilà, on veut toujours garder cette image. C'est ton seul poulain, Julien? tu t'occupes exclusivement de lui ou t'as d'autres t'es multi, comment on appelle ça, t'as d'autres joueurs? Alors, que en tu fait peux, tu, moi je, j'ai créé la structure, donc je suis président fondateur depuis 2004, donc c'est à dire qu'on a des joueurs avec qui en fait on a toujours été des amis, on a évolué ensemble, donc on a une relation particulière. Je coach pas forcément tout le monde, voilà, dès qu'il y a une compétition ou quoi. Je m'occupe surtout de Gitaz et je m'occupe maintenant aussi d'un petit, donc du jeune Toulousain, le fameux Dexter, depuis peu, qui est jeune aussi, qui a un fort potentiel. Mais là, on est vraiment sur du coaching particulier. Je vais vraiment passer beaucoup plus de temps avec eux qu'avec les autres joueurs. Ils peuvent se rencontrer en oui, compétition, sûr, les deux. Ils se sont déjà rencontrés. Ouais. Donc, du coup, tu fais comment quand c'est comme ça? Tu fais une mi-temps avec un, une mi-temps avec un? J'espère que ça arrivera pas. Hein. C'est ça. Alors, c'est compliqué. Déjà, c'est vrai que avoir trop de joueurs, c'est ça aussi la complexité. C'est comme les agents de foot. On peut pas se permettre d'avoir 10 joueurs sur la compétition. On peut pas se dédoubler. On l'a vu dans certaines structures. Moi, je l'ai vu. Ils ont un coach FIFA. Ils ont 5 joueurs. Et limite, c'est à qui je vais, quoi. Donc, celui qui est mentalement a besoin d'aide, je suis derrière. L'autre, il a un gros joueur, j'y vais. L'autre, si c'est un match facile, j'y vais pas. Enfin, voilà. C'est. Donc, moi, non. Moi, la priorité jusqu'ici, elle a toujours été par rapport à Julien. Et moi, Dexter, c'est vrai que c'est un jeune joueur que j'ai envie de faire évoluer. Donc, dès que je peux, je vais passer du temps avec lui. Et j'ai, quand ils se sont affrontés, Dexter, je m'en occupais pas. Donc, j'ai pas eu encore ce conflit d'intérêt. Mais après, quand c'est comme ça, je préfère rester en retrait et j'observe. Et après, je leur donnerai mon analyse à chacun, mais une analyse voilà, plus neutre. Pendant le match, je vais essayer de pas interagir. Julien, actuellement, tu ne t'imagines pas être. Comment dire, je sais pas comment dire, tu transféré. Ouais, non, pas transféré, mais je veux dire, pour toi aujourd'hui c'est indissociable, c'est à dire que ton parcours va être forcément lié avec Benoît. Tu voilà, comme ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, tu t'imagines pas un jour dire je vais changer de coach ou je vais évoluer ou je vais faire évoluer, oui, mais toujours en restant avec Non, non, moi ça fait maintenant combien de temps qu'on se. Ça fait quoi, 2 ans que vraiment il me coach vraiment quasiment à plein temps. Du coup, c'est quelqu'un qui a été très important dans mon évolution. Et je ne me vois pas demain dire non, je pars dans une autre structure alors qu'on a de gros projets ensemble et je suis très bien à la peste. Moi j'ai une question sur l'avenir du e-sport. Hein. Ça va être plus sur, pour toi, Benoît. Tout à l'heure on parlait du 3 versus 3 en basket, que ça allait intégrer les JO. Est-ce que à terme le e-sport c'est une compétition, est-ce que ça peut avoir des JO ou est-ce qu'il peut y avoir une sorte de compétition qui soit égale aux JO juste pour le e-sport? Mais il y a des négociations et non, il y a des jeux qui vont rentrer aux Jeux Olympiques au moins asiatiques dans un premier temps, et donc il y a des pourparlers pour que l'e-sport soit aux Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que c'est une évolution possible. Après, au niveau du foot, là, on parlait voilà de différents modes de jeu. Ce qui prime aujourd'hui, c'est le 1v1, donc le 1 contre 1 classique. Sur FIFA, il y a un mode de jeu qui est très intéressant et qui demande à être développé, c'est le club pro. Ah, ça, c'est magnifique, donc, ça. L'enjeu, on est à 11v11, donc chacun donc gère son avatar, son propre personnage qui fait évoluer en plus, donc au fil des matchs, au niveau des statistiques, etc. Il lui donne l'aspect physique qu'il veut, et donc on manie, donc, il y a un gardien, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Donc ça, c'est un mode de jeu très intéressant qui est une forte communauté. Donc nous, on a un roster sur Xbox One qui s'appelle Suricat, donc les PES Suricat, qui est un roster historique, qui a été multiple fois champion de France, qui a gagné la Ligue des Champions, champion d'Europe, etc. Donc on a une grosse équipe sur E4, sur One. On a un nouveau roster aussi sur PS4, qui s'appelle PES Scapulaire, qui est très jeune, qui a été créé donc au début de l'été, mais qui a pour l'instant fait de très bonnes préparations. Et t'as placé Scapulaire dedans? Donc c'est parfait. J'avoue que je me suis fait plaisir sur le nom du roster. Parfait. Mais voilà, donc ça, c'est des modes de jeu qu'on espère qu'ils vont être pris au sérieux par les éditeurs et qu'ils vont développer des compétitions. On voit sur PES, eux, ils ont fait le 1-1, ils ont fait le mode coop 3v3, et c'est un mode qui est juste exceptionnel. En fait, plus on apporte de joueurs, plus il y a d'intensité. Et nous, on a connu à l'époque, la grande époque, où on faisait des compétitions en interclub, les fameux clans noirs ou les championnats de France, Coupe de France par équipe, etc. Il y avait du 1v1, du 2v2, du 4v4. Bon, après, selon les consoles, on était réduit à du 3v3. Et les fameux team battle où, en fait, vous avez 4 joueurs d'un côté de l'autre. Et les deux premiers joueurs s'affrontent. Dès qu'il y en a un qui prend un but, il pose la manette, et ainsi de suite. Donc, on fait des brochettes de 4 joueurs, etc. Enfin, c'est vraiment juste exceptionnel en termes d'intensité, d'énergie, d'émulation, d'ambiance. C'est des choses qu'on aimerait bien voir maintenant, à l'heure actuelle, avec les moyens, avec les médias, avec Bein, avec ES1, Bertrand Hamard, etc., qui font énormément pour l'e-sport. On aimerait voir tout ça maintenant, Bertrand avec Hamard, FIFA et PES. Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, dans l'optique d'une grande compétition mondiale comme les JO, est-ce que le foot, est-ce que FIFA ou PES, ça pourrait être un sport, ça pourrait être le jeu qui soit mis en avant, ou est-ce que ça va être plus un League of Legends ou clairement pour l'instant FIFA, les jeux de foot ne sont pas mis en avant. C'est pas le jeu qui prédomine. Parce que ouais non en fait souvent voilà ça va être Dota, ça va être League of Legends, ça peut être peut-être du Fortnite ou quoi. En fait le problème souvent sur les simulations de sport, c'est qu'on pour eux il y a déjà un sport à part entière, donc ils voient pas forcément l'intérêt d'avoir le sport électronique en plus. Voilà, donc c'est un peu ça qui a du mal encore à passer. Moi, je suis très heureux de voir l'évolution qu'il y a sur 2K, par exemple. On voit ce qui se passe en NBA avec le programme 2K, qui est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait avec Adam Silver. On voit ce qui se passe avec Piqué, on voit avec l'LFP, on voit la FFF qui a créé son eFoot de France. D'ailleurs, il y a une rencontre demain, France-Pays-Bas à suivre, la deuxième rencontre de l'histoire de l'équipe eFoot de France FIFA. Ça se passe où ça? Ça se passe, ouais, ça se passe en live, donc il suffit d'aller voir sur Twitter, eFoot de France, ou sur le site officiel de la FFF, même sur Facebook, etc. Donc on a 4 joueurs français qui vont affronter 4 joueurs hollandais. Il y a déjà eu une première rencontre, c'était France-Belgique, qui a été d'ailleurs brillamment remportée par nos Frenchies. Est-ce qu'ils avaient le seum, les Belges Vu le score, il y a des chances, mais... Non, d'ailleurs, je salue nos amis belges aussi, qui ont une très forte communauté FIFA, et qui ont de très redoutables compétiteurs également. Et demain, c'est vrai que voilà, c'est la preuve, encore une fois, que même la Fédération Française de Football, on sait ce que ça représente quand même en termes officiels, pour tous les fans de foot qu'on leur présente, ont une équipe eFoot de France. Toujours avec nos invités du soir, Julien Gitas Torres et Benoît Kalash Amédé. Voilà, comme ça, on place tout. Thomas. Et est-ce que vous, en tant que joueur pro, vous devez jouer absolument sur une console, soit la PS4 ou l'Xbox One, ou vous êtes obligé de jouer sur les deux? Vous pouvez jouer sur les deux? Alors, on peut jouer sur les deux, mais moi, personnellement, je préfère la PS4. J'ai toujours joué sur la PS4 depuis des années. Après, il y a eu des saisons où il y a eu des qualifications. Par exemple, il y a 2 ans, j'avais fait des qualifications pour l'Orange Ligue 1 sur Xbox One. En fait, je m'étais qualifié sur les deux pour avoir une sécurité. En fait, si je perdais sur PS4, j'avais la One qui me laissait une chance de me qualifier. Est-ce que c'est une question de manette? C'est une question bête. Oui, la manette, c'est très important. Moi, la manette Xbox One, je perds 20-30% des capacités. Ah ouais. Surtout que la manette d'Xbox One, moi je trouve qu'elle est plus faite pour des jeux de tout ce qui est Call of, tout ce qui est Fortnite, c'est plus, enfin moi je trouve ça plus pratique. Même si Fortnite après c'est quand même. Parce que les joysticks on peut pas. Ouais, c'est une mise en main qui est différente. C'est des questions d'habitude derrière. Ouais, c'est ça. Moi j'ai toujours été habitué à jouer sur Xbox depuis. Tout dépend son école, tout dépend sa génération. C'est question d'habitude, d'ergonomie après. Après on est toujours obligé pour mettre une branlée à ses copains qui encore l'autre console. Même si les communautés sont pas très développé sur PC chez nous, alors qu'en Asie FIFA Online se joue sur PC, il y a énormément de monde, mais c'est vrai qu'après c'est chacun sa préférence. Les jeux sont quasiment identiques. Après ce qu'il faut savoir, c'est que selon le coût du développement, depuis des années la FIFA maintenant est développée par exemple sur Microsoft, sur Xbox, donc des fois le jeu on le trouve un peu plus fluide. C'est vrai que le jeu on a l'impression qu'il diffère. Des fois on sent une petite différence dans le gameplay, effectivement il y a des joueurs qui sont plus à l'aise sur Xbox One, trouve le jeu un petit peu plus fluide, plus propre. Des fois on a l'impression que sur PS4 il est mal adapté. J'ai l'impression qu'il est plus lent moi des fois sur Play. Je sais pas si c'est après c'est aussi le fait de changer de manette, de jouer sur une télé différente, etc. Et j'ai l'impression des fois qu'il est plus lent. Et la télé ça joue vachement. La télé est très importante parce que moi par exemple avant il y a 2-3 ans de ça, je joue sur une grande télé vraiment elle fait 120 cm et je me suis qualifié à des gros tournois comme ça. Comment j'ai fait je sais pas du tout. Et maintenant je joue sur une petite télé vraiment de compétition. Et c'est vrai que ça c'est reconnu que les joueurs pros ils jouent souvent sur des petites télés. Je suis assez impressionné et étonné par ce que vous dites. C'est-à-dire que tout est vraiment calculé, prévu. C'est-à-dire que là, la manette, la taille de la télé, je suppose que peut-être mettre la distance de... Ouais, la distance, je sais pas trop si peut-être Il y en a qui aiment mettre dedans. Le fauteuil, oui. J'allais dire, parce que si tu joues 40 matchs par week-end, par jour, il faut être bien installé. Si t'es pas dans les meilleures conditions, moi j'ai pas par exemple des potes à moi qui font leur fut champion, je vois leurs conditions de jeu, je dis mais comment tu veux être un minimum compétitif, c'est impossible. Et le mec qui joue à 15 mètres de sa télé sur un tabouret, c'est pas possible. La fibre. Et aussi la connexion aussi. Ça joue. Ouais. Et alors concrètement, quand tu te mets dans ton match, parce que je suppose que c'est dans des salles immenses avec plein de matchs en même temps, t'es pas le seul à jouer tout seul. Enfin, je veux dire, il y aura du bruit, il doit y avoir tout un environnement autour de toi. Ça dépend des compétitions. Par exemple, l'Orange Ligue 1, ils nous mettent bien, ils nous mettent dans des salles à part. On est vraiment, enfin moi et l'adversaire, il y a mon coach derrière moi. Et c'est tout, il n'y a pas de êtes, fans. Voilà, enfin, Max, vous êtes quatre, les deux joueurs voilà, et les deux coachs. Il y a l'arbitre. Il y a l'arbitre qui est à côté. Après, il y a la salle principale en général où là, il y a un peu de public, mais c'est pas... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un jour, tu rêves d'avoir une salle comme, ben, comme on voit aux États-Unis ou en Asie, avec des salles remplies comme pour les gameplays de LoL, et, etc. Ce serait un rêve, bien sûr, de jouer dans des stades comme ça. Je pense que tout compétiteur aimerait goûter à ça un jour. Rémi. Du coup, moi, j'ai une question. Du coup, tu dis que tu es un arbitre. Donc, en fait, tu es un arbitre dans le jeu FIFA. Et t'es un arbitre en vrai. Ah, il y a un arbitre en plus de l'arbitre. Ouais, c'est ça le truc que je. Ah oui, bien sûr. Non, mais qui arbitre pas le match. Il faut administrer la compétition en elle-même. Ah oui, parce que ce que je me dis, si le mec arbitre, non, en fait, non, c'est pas bon. Dans le sens, s'il y a un litige, s'il y a un problème technique, s'il y a un litige. C'est un délégué plutôt. Non, c'est un référé, c'est un arbitre. Moi, cette année, j'ai eu la chance d'être head admin sur l'ICOPA, Coca-Cola, FFF, et j'étais admin sur les World Cup, donc les championnats du monde. Donc, on était présent pour le bon déroulement de la compétition. Il fallait être sûr que le joueur soit là à l'heure, qu'il lance le match quand il fallait. Et on fait attention à toutes les configurations, parce qu'après, il y a quand c'est diffusé sur Sky, etc. Donc, les streams, faut faire attention à tout ce qui va s'afficher, tout ce qui va pas s'afficher. S'il y a quelqu'un qui va commencer à faire de l'anti-jeu, qui va mettre des pauses à répétition, quelqu'un qui va, voilà. Oui, donc tout est vraiment. Il faut être derrière, il faut surveiller. Et s'il y a une déconnexion, ça arrive aussi à cause des serveurs. Des fois, une déconnexion, il faut relancer le match, il faut vérifier les scores. Des fois, on rentre le score du match aller pour le match retour, selon si on est sur le mode de e-sport, FIFA, etc. Donc, non, il faut vraiment des arbitres, sinon c'est du grand n'importe quoi. Les organisateurs sont là pour ça. T'as le droit de mettre des starts en compétition des pauses quand t'es pile en attaque ou. Oui, par exemple, à l'Orange Ligue 1. Par tout seul face au but. Ah ouais, non, mais les trucs sont énervants. Non, mais déjà, à savoir que c'est que tu peux pas faire start si t'as pas le ballon. Non, c'est plus ça. Maintenant, c'est dans les arrêts de jeu. Genre, faut que la balle elle sorte ou faut qu'il y ait un coup franc, un corner ou n'importe. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est quand même un petit peu réglementé. Ouais. C'est voilà. Avant, en ligne, on pouvait faire pause dès qu'on avait la balle. Mais c'était horrible. Genre, on pouvait couper l'action. Voilà, donc maintenant, c'est mieux. Il y a des mecs qui faisaient ça. Ils avaient tiré, ils mettaient pause. Et genre, ils attendent jusqu'à la fin de la pause pour retirer ça, t'attendais 30 secondes. Oui, il faut que ce soit cadré quand même un minimum. Donc en fait, finalement, le seul paramètre, entre guillemets, que vous maîtrisez pas, c'est l'arbitre du jeu. C'est enfin, ça. Que vous maîtrisez ça, pas. Si tu prends un rouge au bout de 3 minutes. Tu dois anticiper, vous savez peut-être, suivant sur quel tacle faire, pas faire, quelle faute faire, pas faire, à quel endroit les faire ou pas les faire. Il y a des mécaniques du jeu qu'on connaît. Par exemple, certains contacts, on sait qu'ils vont siffler, d'autres non. Enfin, ça dépend du gameplay, encore une fois. Ouais, bah non. Après, il y a aussi la sévérité de l'arbitre, hein, tout simplement. Des fois, il y a des fautes qui sont grossières, qui ne sont pas sifflées, on ne comprend pas pourquoi. Et des fois, il n'y a rien, il s'est fait un pénalty mytho, comme on dit, avec un carton rouge, on ne comprend toujours pas pourquoi. Ça, on est d'accord, c'est un paramètre qui est. Totalement aléatoire. Qui est aléatoire, mais qui n'est pas. Il n'y a pas une difficulté, genre facile, moyen, expert, machin. Non. C'est-à-dire que c'est constant sur toute la compétition. Après, c'est On peut calculer que certains arbitres sont plus sévères que d'autres. On peut les identifier. APS, on savait à l'époque qu'il y avait certains arbitres. On savait que eux, la moindre faute, c'était carton direct. C'était horrible. Le match était comme toutes les deux secondes. Là, sur FIFA, je sais pas si on peut vraiment avoir repéré les arbitres en eux-mêmes, mais on sait que le jeu, des fois, il va faire des choses un petit peu bizarres, malheureusement. Et est-ce qu'en compétition, vous activez les mains? Parce que je sais que non, surtout pas. Ça, c'est un très bon truc. Jamais ça siffle les mains. Enfin, dans PES, du moins, je crois qu'une fois. Non, mais FIFA, en fait, on peut dans les options, mais il n'y aurait aucun intérêt parce qu'on se retrouverait. En fait, certains joueurs trouveraient qu'une situation ferait 25 centres par match pour être sûr d'avoir 3 pénalties. C'est ça. Donc, il n'y a aucun intérêt. À un moment donné, je crois que l'année dernière, il y avait les mains dans FIFA. Est-ce qu'il y a une année, il y avait le FIFA. Dès que tu faisais une main, ça sifflait tout le temps. Il suffit de le désactiver dans le menu. Ouais, mais l'année, ils l'ont sorti. Il n'a jamais été présent. Question VAR ou pas VAR? Est-ce qu'à la barre dans le il y a la technologie de sur FIFA dans le jeu. Bien sûr. Après, ce qui est étonnant, c'est que bon, normalement, bien sûr, hein, c'est un enchaînement de codes, un hors-jeu est un hors-jeu, logiquement. Mais on se retrouve avec des situations un petit peu farfelues où des fois un hors-jeu n'est pas sifflé, on ne sait pas pourquoi. Des fois, tu marques des buts et le but n'est pas validé. Ou des fois, on a vu il y a des bugs. Il faut dire ce qui est. C'est un jeu. Il y a des lignes de code. Des fois, il y a des failles. On voit des fois même sur un penalty le gardien qui sort de son but pour aller choper le ballon sur le point de penalty alors qu'il a même pas tiré. Quoi. Enfin voilà. Ça t'arrive. En tournoi, t'es en finale, t'es à 0-0, non, mais... t'es content quoi. Là, je pense qu'on peut faire appel à l'arbitre dans ce cas-là. On peut porter réclamation justement sur ce. S'il y a, je sais pas moi, comme tu dis, un bug, un truc. On peut faire. Alors, un bug, après, un bug, tout dépend le bug. Si c'est une déconnexion, on va relancer le match avec le score, etc. Si on peut. Des fois, il y a des réclamations du joueur pendant le match. Le joueur peut se plaindre du style de jeu de l'adversaire, peut se plaindre des pauses à répétition quand il y a pas de minuterie au niveau des pauses, comme sur la version e-sport de FIFA. Voilà, il peut y avoir des des réclamations. Des fois, l'arbitre est, voilà, peut être amené à trancher, à prendre des décisions. Il y a des joueurs qui peuvent être disqualifiés pour des paroles, pour des gestes d'humeur, des mouvements. Enfin, voilà, ça peut être. 23h29, dernière question. Ouais, moi, j'ai ma petite dernière question, donc pour revenir sur les Girondins. Julien, déjà, c'est juste une question. Est-ce que vous êtes obligé de mettre un joueur des Girondins ou pas dans le 11? Non, non. Et après, si t'avais juste un joueur à mettre, j'allais dire, qui avec temps, tu parce que moi, je sais qu'à chaque fois, dès que je faisais, mais par exemple pour les qualifs et qu'il fallait mettre des joueurs argent, je mettais toujours Camano parce que je savais qu'il avait la vitesse, il allait à 80, ouais. 90 et quelques, c'était une fusée. Ouais, je pense que cette année aussi, enfin sur le 19, je pense que ça va être Camano ouais. aussi. Ça va même être... Vada, il était pas mal en vrai. Calou, il va être pas mal aussi, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Il y avait Sabali aussi qui était pas mauvais. Ouais, c'est vraiment un jeu vidéo. avant de passer au secteur, ah oui, tiens, juste une dernière chose. Depuis le début de ta carrière, combien de manettes explosées au sol? 0. Ça? Je suis un joueur très calme. Écoute le mur. 48. Non, alors, et c'est là que tu vois la différence, parce que moi j'ai déjà 3 PS2, 2 PS3. Ah oui, Cyril, c'est pas la manette, c'est la console. Cyril, c'est la console, la télé. Non, à l'époque des PES, j'ai pas combien là, c'était la PS2, et moi c'était les PS qui partaient contre le mur. Mais... Ah bah Sony, c'était leur meilleur client pendant longtemps. C'est moi, mais honnêtement, les cassages de manette, je crois que c'est assez générationnel. Il faut savoir que par exemple, les joueurs de ma génération, on était donc le mode offline, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup des fois d'animosité, de nervosité, on explosait à peu près tous les week-ends. Je l'avais vu ce fameux tournoi que j'avais. Mais il y avait des câbles. Un joueur comme Julien, qui est plutôt un joueur online, puisqu'il a peut-être pas forcément connu l'âge d'or des communautés offline, lui, il est mentalement, il est préparé différemment. On sait qu'il a l'habitude d'enchaîner beaucoup de matchs. Ils ont une bulle de concentration, et moi, c'est ce que j'admire dans cette génération-là, c'est qu'un joueur comme Julien, il a une capacité de concentration assez exceptionnelle. Et du coup, il garde son calme plus facilement que les vieux rageux comme moi. Quoi. C'est pas les mêmes. C'est pas les... En même temps, tu joues tout seul. Moi, j'ai fait beaucoup de parties avec des potes qui sont derrière, et dès que tu fais une connerie, t'attends. C'est le truc qui t'énerve. Après, j'ai fait aussi beaucoup de soirées FIFA. Bon, maintenant, c'est plus compliqué parce que ça sert plus à grand chose. J'allais dire, c'est pas compliqué les soirées FIFA quand t'es avec tes potes. Putain, il va encore nous déglinguer. Avant m'inviter, maintenant c'est fini. Ou alors tu joues pas, tu dis bon, ouais, vas-y. Non. Allez, jouez entre tocards. C'est le même principe que la Ligue 1. Tu commences la Ligue 1, tu sais que le PSG va gagner. Avec Julien, tu peux pas dire c'est le premier qui perd qui lâche la manette. Parce que... bon, après, c'est vrai que quand on arrive au niveau de Julien, même moi, j'ai du mal à l'entraîner vraiment correctement. C'est-à-dire que je suis obligé de contacter des joueurs professionnels pour qu'ils s'entraînent contre lui. Parce que il y a quelques années, j'arrivais à prendre des matchs faciles, enfin, entre guillemets, facilement. Maintenant, si j'en prends un sur 10, c'est que vraiment j'ai de la chance. Donc ça, et quand je pense qu'il y en a un autour de la table, à savoir Adrien, qui voulait organiser pendant l'émission un mini tournoi, je m'étais un grand malade. C'est pour ça que j'ai pas organisé. Moi, j'ai de l'honneur quand même, donc j'aurais pas joué. Est-ce que, alors honnêtement, déjà, je t'ai pas demandé ton âge depuis le début de l'émission, parce que t'as 22 ans. Ah oui, je vous jure, t'étais très jeune. Et vraiment, dernière question, mais elle est un peu, voilà, c'est un peu pour le truc. Est-ce que des fois, quand tu joues devant tes potes, allez, tu dis allez, de temps en temps, je laisse un peu pisser, je dois. Non, est-ce que tu sais, les miskines, genre en mettant plein de gestes techniques et tout? Oui, mais c'est pas plaisir. Voilà. Tu vois, allez, bon, allez, lui, ça fait 8 fois que je lui mets une tannée, allez, ce coup-ci, je laisse un peu pisser. Toujours en étant humble, c'est la principale. C'est très important. T'as déjà fait l'équipe d'Inde contre la plus mauvaise équipe de FIFA contre. Oui, combien de fois ça aussi? Ça, on l'a tous fait quand t'es gonflé, quand nos potes, ils savent pas jouer, tu prends l'Inde. Messieurs, merci vraiment d'avoir passé quasiment l'intégralité de cette émission avec nous. Merci Julien, merci Benoît. Est-ce que vous voulez participer à la dernière partie ou on vous libère maintenant comme vous voulez, au choix. Vous n'êtes pas obligé de rester. Alors là, attention. Là, c'est la partie sérieuse. Là. Alors, avant de passer au C'est Kiki, tes prochaines GC. Ah oui, exactement. Tes prochaines GC. Échéances, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te voir jouer si Alors là, la saison n'a pas encore commencé, donc on n'a pas encore les dates officielles. Après, on sait que par exemple les premières qualifications de l'Orange Ligue 1, c'est vers novembre, décembre pour la session d'hiver. Il n'y a pas de tournoi, il y a un tournoi hiver, un tournoi été, c'est ça? Il y a hiver et printemps. Oui. Après, on ne sait pas exactement quand les dates, on ne sait pas encore. On n'a pas le planning. Ok, d'accord, bah écoute, très prochainement. On peut vous retrouver sur, je suppose, Twitter, Facebook. Facebook, voilà. Vas-y, donne les... Oui, donc Gitaz, Peste Gitaz sur Twitter pour le retrouver, Julien Torres sur Facebook. Pour ma part, donc Peste Calage sur Twitter, avec bien sûr la structure Peste Esports. Donc, vous la partagez, ça fait deux jours qu'on vous le partage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Alors, avant de passer au C'est Kiki officiel, Cyril avait quand même préparé un petit truc qu'on devait faire déjà en première partie et qu'on a complètement oublié, donc on va le faire. Cyril, t'as préparé un mini quiz. Voilà, un mini quiz. Le contrat donc voilà. Officiel. Donc du coup c'était des petites questions. Donc combien de clubs pouvez-vous me citer dans lequel Andreas Cornelius a pu jouer, a joué? 3. 3 pour Rémi, mais en sachant qu'il a, il a joué à 4. Avec Bordeaux ou sans Bordeaux? Avec Bordeaux. Moi 3 avec Bordeaux. 6. Non, il a joué qu'à 4, donc. Avec Bordeaux, je dis 3. Bordeaux, 3, vas-y, je t'écoute, Rémi. Bah, Copenhague, Atlanta et Bordeaux. Voilà, il y a un club anglais. Non, il y a un club anglais. Bournemouth. Ah non. Middlesbrough. C'est un indice. Swansea. Ben, c'est presque, c'est l'autre. Cardiff. Voilà, c'est Cardiff. Ah ouais. Donc, même question pour Lucas Leuraguer. Ah ouais. Combien de clubs vous citez pour Lucas Leuraguer en comptant Bordeaux? Deux. Deux, mais non, il a. Mais deux. Mais... Non, mais il y en a. Julien a dit 4. Il a joué comme ça. 4. Non, mais il a joué dans 4 clubs, effectivement. C'est vrai, mais il y en a deux au Danemark, non? Oui. Bah, ouais. C'est quoi le club belge déjà? Zulte Waregem, ça c'est le club belge. Bordeaux. Copenhague, non, il a pas joué là-bas. Si, il a joué. Il a joué à Copenhague. AB Copenhague, pas OFC. Ah ouais. Et Viborg FF. Ah oui. Introuvable. Petite question sur Ricardo. Donc, quand il reprend le club en 2005-2006, il y a un effectif de 25 joueurs des Girondins de Bordeaux, professionnels. Combien de joueurs vous pouvez me citer? 25. Ah, vous pouvez me citer les 25? Alors, je suis avec chaud. Allez, vas-y. Allez. Là, je suis perdu. Donc, voilà, mais combien vous pouvez me citer? Oui. Une quinzaine. Une quinzaine, oui. Ça va être... Mais allez. Tiens, vas-y, Rémi. Allez. On est parti. Oui. Ouais, chacun votre tour. C'est interminable. Je l'ai après dans le C'est Kiki aussi. Ah ouais. Bon, ah ouais. Mais voilà. Regarde le poussé Kiki. Alors regarde le poussé Kiki. Moi je mets des points. Bon, vas-y. Allez. Et du coup, alors, dernière question. J'ai deux petites questions sur Fernando. Le 13 mai 2006, Fernando marque et égalise contre Marseille. Mais à quelle minute? 93e. Non. 89e. Non. 92. Non. 7. 87e. 85. Non. Oh, putain. 86e. 88e minute. Oh, et enfin, de quel club arrivait Fernando Meneghazzo quand il est arrivé à Bordeaux? Non, il jouait pas en Italie. C'était en Italie. Gérona, non? Il a été prêté à Catane, mais il venait du club de Torino. Vérone. Ça commence par un S. Sampdoria. Siena. Bien joué, c'est Sienne. Putain, il nous miskine sur FIFA, là. Qui c'est qui l'a invité? Alors, on va faire comment? On est 1, 2, enfin vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Il y aura une équipe de 4, une équipe de 3. Alors, ce que je propose, vu que il y a quand même beaucoup de jeunes autour de la table et deux... Plus. Non, je pense. Tu te comptes dans les vieux ou pas? Donc, ce que je propose, c'est qu'on mette Benoît dans une équipe et Cyril dans l'autre. Les dinosaures. Donc, à la limite, on peut faire. Ça, 3 contre 4. On peut faire Thomas, Rémi, Benoît, Julien, tu veux être avec ton coach ou contre ton coach? Attention, ça peut. Ça a plus pour la saison. Avec ton coach? Il prévoit les séances d'entraînement. Et Adrien, Cyril et comment ça s'appelle? Moi, c'est Enzo. Enzo, il y a du mal avec tes prénoms, quoi. Est-ce que ça vous va comme ça? Salut. Très bien. Alors. Non, en face, je pense que c'est mieux qu'ils soient un de plus, puisque Thomas, c'est son premier, c'est Kiki, et Benoît et Julien. Ouais, et Cyril, et ils ont dès que ça part en ça, il est chaud. C'est une question de rapidité ou... Alors, je vais, il y a un peu de tout, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il y a un peu de tout. Alors, j'en ai préparé un bien lourd, bien gros ce soir. Du best-of, là. Ouais, on va commencer avec des déclarations que j'ai chopées dans la presse. Alors, je vous donnerai des petites indications sur... Yes. C'est récent, ça concerne l'actualité de ces 10 derniers jours, on va dire de dernière semaine, 10 derniers jours. Je vous préciserai si ça a un rapport. Alors d'habitude on le fait quand il y a un avant-match. Là il n'y a pas d'avant-match, donc ça ne concernera pas directement. Mais vous inquiétez pas, je vous donnerai des indications. Après il y aura des petits sons audio à retrouver. Je vous ai remis des buts, vous vous souvenez? Je vous faisais à chaque fois les buts, vous vous souvenez? J'en ai un pour toi, mon Cyril. Il est quand même pas mal. J'ai du vrai ou faux, j'ai plein de trucs, ça va peut-être nous... Ça va être un Big Mac, c'est Kiki. Bah là, c'est un Big, c'est Kiki. D'habitude, on le faisait à chaque émission, chaque fin d'émission. Là, on dit, on en fait qu'un par mois, mais bam, il va envoyer. Allez, on va commencer. Donc, vous balancez, si vous voulez vous consulter. Ah, de temps en temps, je ferai peut-être des 1 contre 1, des trucs comme oh ça. Là, par contre, ça a plagié. Des face assez. À face et tout. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Allez, on va commencer, tiens. C'est qui dit, écoutez bien cette déclaration. Benoît a retrouvé un bon niveau et on le connaît bien, son appel logique. Deschamps, il est là, c'est Adrien, ça fait hop, hop, hop, hop. Moi je voudrais l'avoir. Attendez. On a oublié un truc essentiel quand même. Oui. Bah, le générique. Et oui. Quand même. Ouais, parce que vous ne connaissez pas le générique, écoutez le générique. Dites-vous que jusqu'à présent c'était. Il n'y a que Benoît qui peut avoir. Une référence. Ça a un rapport avec la mascotte. Mais un rapport. Ah, autant pour moi. Car les enfants, tout à fait. C'est quoi ? C'est la pub originale du... Comment s'appelle cette chose infâme que... Kiki. Tu sais Kiki. Ça s'appelle le Kiki. Réécoutez les paroles, ça date des années 80. Je vous promets, ça sort aujourd'hui, les mecs partent en prison. Allez, donc... Voilà, on va couper parce que là, ça commence à devenir... Oui, non, je l'ai pas. Deuxième... Donc ça fait 1-0 pour l'équipe à gauche. Deuxième déclaration, ça va être, à mon avis, une question de rapidité parce que c'est très, très simple. Je ne sais pas si vous étiez né en 96, mais à Paris... Ricardo. Voilà. Merci. Là, bim, ça fuse. À Paris, je n'étais pas un manager défensif. C'est Ricardo donc qui se défend un petit peu d'être justement ce qu'on disait tout à l'heure. Un petit peu défensier. Allez-y, balancez, n'hésitez pas. Est-ce qu'à 3-0, on lâche la manette ou pas? Alors sachez que même si vous prenez une dérouillée dans la première partie du jeu, vous pourrez vous refaire sur la deuxième. Tiens, je vais couper ça là, voilà. Donc Ricardo, ça fait 2-0. Prochaine déclat. Ah, c'est pas une déclat. Tiens, on va parler d'un ancien. On va parler d'un ancien joueur des Girondins. Qui s'est engagé dans un nouveau club en Ligue 2. Vous allez me donner le nouveau club de Clément Chantôme. Red Star. À droite là-bas. Le Red Star. Red Star en Ligue 2. Ils ont fait une super présentation, voilà, se noter. Clément Chantôme s'est engagé donc avec le Red Star, un renfort de poids au niveau de l'image pour l'équipe de Saint-Ouen. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà joué avec Clément Chantôme? Oui, à l'époque, quand il était à Bordeaux, bien sûr. C'est qui dit, là je pense que ça va être une question de rapidité aussi. Dans le football, il y a de moins en moins de valeurs, je préfère garder les Poyet. Voilà, poum, ça fuse. Gustavo Poyet. Je lis les brèves de G33. C'est tout. Ah bah là franchement, je me suis même pas embêté à aller sur d'autres sites. Je suis Girondin33.com, c'est notre site partenaire, on les connaît, on les aime bien. Tout va bien. Merci à eux d'ailleurs pour le boulot qu'il faut. On continue avec. Oula, attendez, il y a la technique qui s'emballe. Hop là, voilà. On continue, ça fait 3-1, hein, ça va. C'est qui dit. Alors, ça là, tout le monde aurait pu le dire. Je suis un joueur d'instinct. Caramo. Ah, il est là. Je demande la gold line. C'est pour Julien. C'est Caramo, je suis venu ici pour chercher du temps de jeu. Il nous dit voilà, je suivais les Girondins quand j'étais à Caen, leur façon de jouer notamment. C'est un club qui joue beaucoup au ballon. Merci Yann. Il s'est arrêté quand on joue à Caen. Et le fait d'être qualifié en Europa League apporte plus de matchs à jouer pour l'équipe et donc aux joueurs. Merci Yann. Bonne chance à toi et surtout sois bon. C'est qui dit. Ah oui, ça aussi. Question de rapidité, je pense. C'est qui dit les erreurs sont rarement prévues. Martin. Putain, il est là. C'est Stéphane Martin. De Thomas Bassi, je à propos de cette histoire complètement mais invraisemblable, les Girondins ont oublié de déclarer ils Thomas Bassi. Notre mytho quand même. Non mais le mec qui a fait la liste. Non mais je pense que le stagiaire qui a fait la liste, tu sais, qui a envoyé la liste à l'Europa League, je pense que lui à l'UEFA. Ouais, bah, ton stagiaire il s'appelle Martin. Donc. Ah, je pense que lui va dérouiller. Alors celui-là il est moins facile les enfants, mais vous le connaissez tous. C'est qui dit? Ricardo dégage quelque chose et n'a pas besoin de parler pour faire passer ses messages. Oui. Non. Michel Nizot. Non, c'est un ancien joueur évidemment. C'est Laborde. Smisser. Non. Diarra. Giroud. Non, mais c'est alors c'est pas Smisser, voilà, c'est pas Takidot, mais c'est dans la même génération, dans la même. Mavuba. Non. Il a évolué entre 2004 et 2013 au Girondins. Ducasse. Non. Chalmé. Non. Planus. Non. Non. On peut dire que c'est un. Il a joué 115 matchs en pro. Il est très connu, hein, vous Paletta. Le connaissez. Il a joué dans d'autres clubs. Après, il a joué à Bastia, il a joué à Sochaux. Marange. Florian Marange. Qui nous parle de Ricardo. C'est qui dit j'espère que le... Non mais t'inquiète Cyril, il y a encore largement le temps de se refaire. Il perd du coup les... J'espère que le club voudra me faire signer pour que je reste ici plusieurs années. Valencia. Vite fait. Égalité parfaite, 4-4. C'est qui dit... Ah, alors celui-là, bon, si vous n'avez pas son nom, que vous avez son titre, ça m'ira aussi. Non. On a un club démocratique, pas confisqué par un fonds de pension ou un milliardaire. Ça date d'il y a deux semaines. Le président de Guingamp. Le président de Guingamp. Desplat. Exactement. Bertrand Desplat. À propos de l'histoire du bisbille entre Bordeaux et Guingamp au sujet. Et depuis ses déclarations, il est dernier. De Jimmy Briand. Et sur quatre défaites. On n'est pas dernier. Ah, celle-là, je la garde pour la fin parce qu'elle m'a inspiré une vanne, mais je pense que c'est... Voilà, je vous vends pas du rêve, mais je la garde pour la... la fin avant de passer au truc audio. Tiens, ce soir, deux joueurs bordelais étaient concernés par un match international. Pas du tout. C'était Milan Gajic et Vukašin Jovanović. Taisez-vous, laissez-moi finir. Qui ont joué donc avec la sélection serbe Espoir. Ils ont gagné 2-1 effectivement, mais face à qui? Macédoine. Ouh. Je ne sais même pas qui joue encore. Ils ont gagné 2-1. Il a fait un petit tour sur le live de l'équipe. Il n'y a vraiment personne en Serbie U21 pour prendre Vukašin Jovanović et Milan Gajic. Il joue jamais. J'ai surtout l'impression qu'il n'y a que dans ces pays qu'il y a des U21, U25. Il reste 4 déclarations. Après, on passera au son audio. C'est qui dit, attention, question de rapidité. Yann Caramo rentre dans le complément Martin. Et dans la continuité de ce qu'on veut faire. Bédoué, hop, ça vient de là-bas, bim, et ça fait 6-5. C'est qui dit. Ah, celui-là aussi, il va être un petit peu. Prendre des compliqués un peu. Je sens des mains sur mes hanches, je rigole, on m'éjecte, je me tourne, je vois Zlatan. Base. Non. Siani. Je sens des mains sur mes hanches, je rigole, on m'éjecte, je me tourne et je vois Zlatan. Carasso. Ah non, Mavuba. Ah. Rio Mavuba, c'était dans le vestiaire sur RMC à propos de son. C'était dans 59 degrés. À propos de son altercation, enfin de son. Vous vous rappelez du truc qu'il a vu pendant le match avec Zlatan. C'est qui dit Kylian Mbappé a le potentiel pour devenir le meilleur joueur de tous les temps? Non. On lui a posé la question récemment dans une émission, dans la même émission télé d'ailleurs que Rio Mavuba. Gaëtan Huyar. Non. Mais pas loin. Dugarry. Pas loin de Huyar. C'est pas Gaëtan Huyar, mais c'est pas loin. Xavier Domergue. Non. Vas-y, lancez-vous si vous avez des. J'ai lu, putain, ce truc. C'est pas Gaëtan Huyar, mais c'est pas loin. Je peux pas vous aider plus. Nicolas Palois. Non. Ramey. Non. Dans le vestiaire RMC Sport, on lui a demandé ce qu'il pensait de Kylian Mbappé. Il a dit c'est un phénomène, bah, je pense. Non. Il connaît bien d'ailleurs ce poste. Enfin, il est bien. Laborde. Bah, c'est pas Gaëtan Huyar, mais c'est pas loin. C'est Gaëtan Laborde. Et vous revenez à égalité quand même grâce à ça. Ah non, vous êtes encore un point derrière. Mais quelle blague, je les comprends pas. La dernière. Je serais très déçu qu'il y en ait un autour de la table qui ne le trouve pas. Écoutez bien, là pareil, si vous n'avez pas le nom, vous me donnez le titre, ça ira. Johan Gourcuff voit des choses que les autres ne voient pas. L'entraîneur de Dalloglio. Vous savez à quoi ça m'a fait penser, cette phrase? Ça m'a fait penser au sixième sens. Ça m'a fait penser à son ami imaginaire. Ou l'ami imaginaire de Khazar. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Bah écoute, Johan Gourcuff, c'est Bruce Willis, mon gars. Je me suis fait éliminer sur Adrien Gourcuff, qui est quand même ton... Mais il a dit hyper vite. Ton truc, je suis dégoûté que tu n'aies pas pensé. Je gagne des titres dans une carrière FIFA avec Gourcuff. Alors, actuellement, on fait un petit point sur les scores. Il y a 3 et 3-6 et un 7 points pour l'équipe à gauche et 3 et 3 6 et 1 7 points, le suspense est total, égalité parfaite. Voilà, là. On terminera avec le match de légende, celui-là Cyril, s'il n'est pas pour toi celui-là, il y a un souci. Micro. Alors, les déclarations c'est fait, attends, parce que j'ai préparé mon truc quand même pour une fois. Un petit vrai ou faux, tiens. Je vais vous poser une question. Il y a deux. On est tous chauds sur le coup. Il y a quatre questions. Ça fait... Non, mais il y a quatre questions. Ça fait deux questions par équipe. Donc vous pourrez vous. Ah, c'est pas un truc de rapidité. Non, je vous demande si c'est vrai ou faux. Et puis si c'est. Voilà, vous me dites vrai ou faux. C'est pas de rapidité. On va commencer par vous. Tiens. Rappelez-vous de la finale de la Coupe de la Ligue 2002. Le premier buteur de la finale de la Coupe de la Ligue 2002 est Kamel Meriem. Vrai ou faux? Alors vous jouez pas. Coupe de la Ligue 2000. Ah, évidemment, vous dites rien si vous savez. Le premier buteur est Kamel Meriem, vrai ou faux? Non, Paoletta, c'est le troisième. Tu dis contre qui déjà? C'était contre Lorient en 2002, on peut donner le score, hein. Bordeaux s'est imposé 3 buts à 1. C'est Meriem qui met le premier et Dugarry le deuxième, tu crois? Il met pas un doublé, Dugarry. Évitez de cogiter trop longtemps, mettez-vous d'accord. Est-ce que... Mais donc si c'est Paoletta qui... Je vous demande pas de me donner un nom, hein. Dites-moi juste, je vous dis moi, le premier buteur c'est Kamel Meriem, est-ce que c'est faux ou c'est faux? C'est Paoletta, le 22e minute. Alors, t'as presque tout bon, effectivement c'est faux, c'est Paoletta, mais c'est à la cinquième. Mais ouais, ça fait ce que là. Mais ça fait. Meriem est le deuxième. Mais ça fait un point de plus, c'est Kamel Meriem, effectivement, met le deuxième. À ma droite. Alors, c'est un peu plus. Compliqué. Non, bon, c'est. Oh, bah, comme par hasard. Alors, lors de Bordeaux-Strasbourg en 1980, Bordeaux gagne 1-0. Bah, qui met le but? On va remonter beaucoup plus loin que ça. Ouais, c'est vrai que. Les mecs choisissent ses équipes, quoi. Les Girondins ont disputé leur premier match officiel en 1920. Qui a marqué? Non. Vous me dites juste vrai ou faux. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. 1920, sachant que la date de création, entre guillemets, des Girondins Omnisports, c'est 1880. Ouais. Mais le premier match officiel des Girondins de Bordeaux, 1920. Vrai ou faux? Thomas, t'étais né? 100 ans, 20 euros. Vrai ou faux? Mais mettez-vous d'accord, hein, bah, je sais pas, vous pouvez parler, vous pouvez pas tricher, mais vous pouvez parler. Moi, je tenterais à vrai. Mais... Ouais, je pense à vrai. Ouais, tenterais pour un vrai. Allez, vrai. Eh bien, c'est une bonne réponse, vrai. Et écoutez bien, pour la petite histoire. C'est mon grand-père qui m'a raconté. Pour la petite histoire, le. J'étais présent. Bah oui, le principe du vrai ou faux, c'est que t'as une chance sur deux. Donc... Le talent. Pour la petite histoire, c'était une défaite 12-0 face à la section burdigalienne. Voilà, ça valait le coup d'être précisé. Deuxième question pour vous. Cheikh Diabaté a un ratio de 1 but tous les 2 matchs. Vrai ou. À Bordeaux, évidemment. Vrai ou faux? Faux. Un but tous les deux matchs. C'est sûr. 1 sur 4, je crois. Non. C'est allez, je vous donne. Non, 0,47, je crois. Non, mais c'est faux. À Bordeaux, non. À Bordeaux, Cheikh Diabaté a un ratio de jouer. Quelques matchs, il met 40 buts. En minute jouée, il avait un bon ratio. Ouais, mais je crois qu'il était à 0,47 par match. Mais c'est pas en minute. Je vous parle pas du nombre de buts marqués par match. Je vous dis, il marque. Un but tous les deux matchs. Mais forcément, si c'est 0,47 par match, ça veut dire qu'il met oui, un oui, but tous les oui, deux. Moi, j'ai la stat et... inverse, mais oui, on mais peut le voir comme c'est ça. En minute non, non, pas en minute. Cheikh Diabaté a un ratio de un but tous les deux matchs avec Bordeaux, vrai ou faux? C'est faux. Faux? Eh bien, c'est vrai, et c'est même plus que ça. C'est 152 matchs pour 66 buts, donc c'est un but tous les 2,3 matchs. C'est pas 2, mais c'est 2,3, non, c'est pas loin. Non, mais c'est faux. C'est faux. Et si c'est 2,3 matchs, c'est pas 2 matchs. Non, mais j'ai mis vrai parce que je me suis pas fait chier à compter le truc. Eh ben non, mais justement, si je te dis 0,47, c'est pour pas être à 0,50. Parce que deux fois 60, question, ça j'avoue, fait... Question donc bizarre, on était oui. À plus de 2. Question gagne, bizarre, on ouais. Gagne. Ouais, gagne. Mais non, mais la dernière, non, j'avoue, je, non, mais gagne, j'ai le droit de me louper. Question pour vous. Bichente Lizarazu compte un match de plus joué que Marouane Chamakh sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Vrai ou faux? Bonne chance. En pro, on est d'accord. Ah oui, en pro. On compte pas les cadets et tout. Hein. Non, en pro. Moi, je vous dis, Lizarazu, il a. La question a l'air bizarre. Moi, je vous dis, je vous affirme, Lizarazu, il a joué un match de plus que Chamakh sous les couleurs des Girondins. À vous c'est de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais, Thomas, c'est ton moment. C'est une chance sur deux, vous pouvez pas. Thomas, c'est ton moment, je pense. Ouais, je sais pas, réfléchissez au nombre de temps qui est resté Lisa. Ou non. Vous dites faux? Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est l'inverse. C'est Marouane Chamakh qui a joué 301 matchs sous les couleurs bordelaises et Lizarazu en a joué 300. Tout rond, pile poil. Alors, on va. Bah, ça c'est fait. Hop là, un point, tac, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai les buts ou j'ai les sons audio. On va faire les sons audio, c'est facile. C'est facile. Il y en a deux faciles et deux, ça couine un peu plus. Et je vais même compliquer le truc, j'ai envie de faire un. C'est au plus rapide ouais, ou chacun son tour? Non, on va faire au plus rapide, je pense. On va faire au plus rapide, ça ira plus vite. Vous allez écouter qui parle. Je pense que celui-là, vous allez le reconnaître. Ah oui, mais alors attends. Pour écouter qui parle, il faut que je coupe mon micro. Ça va pas être simple, cette affaire. Je vous passe le son et vous me dites qui parle. Écoutez bien, je crois qu'il est un petit peu dans la longueur, donc vous aurez le temps de vous le mettre dans la tête. C'est parti. Oui, il y a des déceptions. On savait que ça allait pas être très simple Bédoué, cet après-midi. Et qui a dit Bédoué? C'est arrivé par là. C'est Eric Bédoué. Effectivement, ça fait un point. C'était juste après Bordeaux. C'était la réaction. juste après le match de ce week-end, c'était Rennes. C'était Nantes. Rennes, oui, Rennes. Oh, je suis fatigué. Vivement que tu te couches, quand même. Le deuxième est assez simple aussi. Écoutez bien, dites-moi qui parle. Enfin, il y a une très bonne ambiance. Puis tu sais, tu connais le château. Ah, là, le Cap-là. Les gens qui le travaillent au Hayan, c'est une entreprise familiale. Ouais, donc les salariés te disent très bien. Alors, je vous précise qu'il ne parle pas actuellement. Hein. C'est un son d'il y a deux ans sur l'avenue de Bourbennec. Les deux suivants, ils sont franchement un petit peu plus corsé, mais franchement c'est jouable, mais c'est un petit peu plus compliqué. Ah, ça fait plaisir. Après, j'y reviens assez régulièrement à l'Andirest, mais voilà, c'est un grand plaisir, un grand honneur que l'école de foot puisse porter mon nom. Koundé. Qui a dit Koundé? C'est Koundé, oui. C'est toi, Thomas? Putain, il est chaud. C'est Jules Koundé. Il y avait le petit indice, fallait savoir qu'il était de l'Andiras. Mais c'est Jules Koundé qui, cet été, est retourné dans son club de l'Andiras pour voilà, faire une petite visite. Le dernier. Concentré en face. Le dernier, il n'est pas simple non plus. Mais pareil, c'est jouable. On a des échanges avec lui. Je voulais travailler avec lui aussi depuis un petit moment. C'était chose faite. Dans mon club formateur, en plus, mon club de cœur. Donc il y avait beaucoup de choses réunies pour moi. Et j'ose espérer que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder la vache. Borde. Est-ce que c'était imprudent pour vous de venir à la demande d'un club, d'un coach qui était déjà fragilisé? Parce que du coup, vous êtes arrivé... C'est la fin du... Qui a dit Paul Bayes? Paul Bayes. Arrêtez de parler tout le temps pendant qu'on écoute. Et alors, c'est pareil, vous avez entendu ce son? On dirait que ce son est vraiment collé à l'actualité. En fait, pas du tout. C'était quand Gourvenec s'est fait virer il y a un an. On en est où au niveau des scores? On prend pile. On est devant, là. Hein. Franchement, ils ont deux points de plus que nous. Oui, mais Cyril, toi... Et vous, messieurs habitués de GA, qui savez qu'il y a le match de légende à la fin, tout peut basculer parce qu'il y a pas mal de ça, points à prendre. Deux buts. Alors là, il va pas falloir que je me loupe sur où couper le truc, parce que ça peut finir en sketch. Deux buts commentés à l'époque. Je vais vous le passer déjà une première fois pour que vous vous le mettiez. C'est chacun le nôtre ou Non, franchement, non. Je vais le faire partager à tout le monde. Je vais, en fait, voilà, je vous explique. Enzo, je vous explique. Vous allez entendre une action d'un match. Je vous donnerai des précisions après si vous voulez l'année pour avoir bien en tête. C'est un but évidemment des Girondins de Bordeaux. Je vais vous donner quatre propositions, buteurs, et vous allez devoir me dire qui marque, et puis on vérifiera. Mais là, faut pas que je me loupe, faut que j'arrête. Chacun son tour ou Ouais, si, à la limite, on va faire un là, un là, et puis comme ça sera réglé. Tiens, on va commencer par qui a le moins de points. C'est vous. On va commencer par vous. Allez, je vais essayer de pas me louper. Piste 5, oui, évidemment, c'est la 6. Quand je suis entre là. Mais je suis concentré. Allez, écoutez bien, j'espère que ça va pas être trop fort, on est parti. Feinduno, le centre, Victor de Ketelaere, oh, et Diabaté. Avec Victor Diabaté, on a cru un instant qu'il allait prendre sa chance, personne ne la veut. Personne ne la veut, et donc. Allez, moi, je suis obligé de jouer avec Adrien. Je vous aide. Arrête, je peux pas écouter un truc sans qu'il parle. Je vais vous aider, on est le 27 novembre 1999. Bordeaux joue à Lens. Ah, c'est bon. Non, mais ne dis rien. C'est bon, je me suis aidé de buteur. Ne dis rien. D'accord? Ok, ne dis rien. On gagne 4-2. Ne dis rien. Cyril, ne dis rien. Quatre propositions. C'est Mikou qui marque. Ah non, merde. C'est Ziani qui marque. C'est Viltord qui marque. Ou c'est un contre son camp d'Eric Sicora. Et rigolez pas. C'est l'année d'avant où t'as Ivan qui met un doublé. Oui, sauf que la banque de poste te demande pas l'année d'avant. C'est pas la bonne. C'est pas de chance. Mikou, Ziani, Viltord ou CSC d'Eric Sicora. C'est le plus drôle. Oui, non, mais est-ce que c'est la bonne réponse? Que ce soit drôle. Oui. Vous dites quoi? Mikou, Ziani, Viltord, Sicora. C'est toi qui dois te souvenir. Mais que je m'en souviens de celui-là. J'avais un nom. Il y a combien ce match-là? Alors, il y avait 3-3. Et Bordeaux était mené 3-1. Et cette année-là, je suis sûr que Viltord m'a doublé. Oui, mais non, je sais plus. Franchement, je me rappelle pas. Ouais, vas-y, je vais dire le CSC, mais je suis persuadé que c'est Viltord. Le CSC, allez, on vérifie. Feinduno, le centre, Viltord, Ketelaere, et Diabaté. avec Victor Diabaté. On a cru un instant qu'il allait prendre sa chance. Personne ne la veut. Oh, oh là, but là, là. Et l'égalisation magnifique de Stéphane Ziani. Perdu. Ouais, et pour l'info, c'est Ziani qui met un doublé et Victor qui réduit aussi le score à 3-1. Alors, pour vous, équipe de droite, j'ai qui ? Ah, je suis là, Cyril, ça va te plaire, ça. Mais non, c'est pas moi. Ben, je sais, mais ça va te plaire quand même. Alors, attends, il faut que je l'arrête. C'est celui que je vais trouver. Bah oui, je pense que celui-là, tu vas l'avoir. Faut que je l'arrête après. Ok, d'accord. Allez, en avant. Longue touche jouée par Litaratou, prolongée par Dutuel, reprise. Oui, ça va très vite. Je suis désolé, ça va très vite. Longue touche de Lizarazu, reprise par Dutuel. C'est contre qui ? Quel match ? Ah bah attends, je vais donner des infos, t'inquiète. Dis pas. Ouais, peut-être. Nous sommes 4 ans auparavant. Nous sommes le 14 septembre 1995. Bordeaux. Oui, mais vous inquiétez pas, les mecs que je vais vous citer, vous les connaissez tous. Bordeaux se déplace, c'est ça Cyril, ça va te parler, sur le terrain du Vardar Skopje. Bordeaux, lors de son fameux marathon, Bordeaux s'impose 2-0 au Vardar Skopje. Donc Lizarazu qui fait la touche, Dutuel et but de Dugarry, but de Zizou, but de Dutuel ou but d'Anthony Bangarel. Voilà, alors, bonne chance, vous avez une chance sur 4. Alors je vous précise, il n'y a pas de piège, les 4 étaient dans l'équipe, dans l'effectif à ce moment-là. Voilà. Et les 4 ont marqué en compétition européenne. Et les 4, oui, bah oui, là, ça pour le coup, je ne l'avais pas calculé comme ça. Mais Dugarry, Zizou, Dutuel ou Bancarel. Inutile de vous rappeler qui était Zizou. Vous partez sur Bancarel. Anthony Bancarel, oui, on vérifie ça de suite. Oh, longue touche jouée par Litaratou, prolongée par Dutuel, reprise et ouverture du score pour Bordeaux. Tekir est battu sur la deuxième occasion. C'est Anthony Bancarel qui marque. Ils sont chauds bouillants à droite là. Bancarel, il avait fait une année. Et il met un doublé. Bordeaux gagne 2-0. Il met un doublé sur ce match-là. Eh ben écoutez les enfants. Ouais, non, mais vous avez pas connu, mais il avait un surnom à Bordeaux. Anthony Bancabrel. Les enfants, il me reste à vous proposer pour terminer et déterminer le vainqueur. Bon, on est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. On aura 5 minutes de retard. Le fameux match. De légende entre guillemets. Alors j'explique pour nos invités. Bordeaux et Orléans, Thomas. Match de D2. Je vous explique. Je prends dans la liste interminable que les Girondins de Bordeaux ont disputé depuis tant d'années un match en rapport avec soit nos anciens adversaires, soit nos futurs adversaires là qui vont arriver récemment. Et donc vous n'êtes pas censé savoir que dimanche prochain les Girondins de Bordeaux accueilleront le Nîmes Olympique. Et donc, je suis allé rechercher le dernier Bordeaux Nîmes Olympique en première division. Et vous allez devoir me citer. J'ai les deux 11 de départ. J'ai des Nîmois, les gars. J'ai les remplaçants. Donc, évidemment, vous pouvez me citer des Bordelais. Et des Nîmois. Des Nîmois, si vous en connaissez. Il y en a un, je pense, Nîmois, que vous pouvez trouver. Il y en a même deux. Il y en a même deux. Il y en a peut-être même trois. Deux sur trois, ça va être chaud. Enfin, du coup, faites appel. Alors, je suis quand même pas idiot. Je savais qu'il y avait des jeunes. Mais franchement, si je vous le propose, c'est que franchement, dans les joueurs de Bordeaux, à part peut-être un, tous les autres, sans exception, même que vous étiez pas nés, même que vous étiez même pas des idées de bébé, tous, vous les connaissez. Donc, on est en... C'est la cinquième journée de la saison 1992-1993. Bordeaux reçoit le Nîmes Olympique le 4 septembre 92 au Parc Lescure. Et en cas d'égalité, je me le garde, je vous demanderai le nombre de spectateurs. Oui. C'est au cas où. Oui. Et puis je vous donnerai le score aussi si jamais on est vraiment à devoir se départager. 92, ça peut être un piège quand même. Chacun saute. J'ai même les cartons jaunes si vraiment, vraiment on est au bout du bout du bout. C'est pas avec Kepeya quand même. Alors, balancez-moi un nom. Moi je commence, Didier Sénac. Didier Sénac, évidemment, c'est ton idole. Didier Sénac, c'est bon et ça fait un point. Et il était capitaine ce soir. Mais oui, toujours capitaine. À droite. 92. Ah, il est consultant. Huard. Ouais. Et Gaëtan Huard. Ça fait un point. Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon. Oui, tout à fait, pardon. Il est rentré. Dugarry, il a marqué. Attends, calmos. Dugarry, évidemment. Dugarry, il est là. Lizarazu. Non, mais ça veut. Mais non, il a dit Dugarry. Lizarazu, c'est bon, ça passe. Zim Dim Zidane. Eh ben évidemment, Zim Dim Zidane. Ça passe. 80. Tac. Du coup, arrière droit, ça devait être Laurent Crossi. Tout à fait. Laurent Crossi. Et si nous écoutons, vous connaissez pas Laurent Crossi. Laurent Crossi, les gars, il arrivait de Sochaux en plus. Bah ouais. À vous. Il y en a un, honnêtement, je crois que même Cyril, il l'aura pas. Si. C'est Jean-François Daniel. C'est non. À droite. D'ailleurs, si vous êtes pas idiot. Ouais. Philippe Lucas, non, si vous êtes pas idiot. Vous avez pas, parce que vous écoutez pas. Ah, il a dit Philippe Lucas. Ah oui, ce qu'il a dit, ouais. Quelle est votre réponse officielle? Parce que Philippe Lucas, c'est peut-être une bonne réponse. Et c'est une, ouais, et c'est une bonne Lucas. Réponse, Philippe Lucas, c'est une bonne réponse. Voilà, moi, je pas à gauche. Allez, je suis Jean-François Daniel. Voilà. Et franchement, Jean-François Daniel, les gars, c'était un mec en or. Il en reste 1, 2, 3, 4, plus le coach. Bon, honnêtement, ça va être chaud tendu. On va pas se mentir, pour Thomas, Rémi, peut-être Benoît, à la limite, si... C'est à nous, là ? Ouais. C'est à vous. Guérette. Il en reste 4, franchement, je vais pas vous mentir, ça va être... Eric Guéret. Attends. Attends, parce que je regarde Anime, quand même, on sait jamais. Guéret ? Non, ah, pour sur le... Non. Mais non. Guérette. Ah non, Guéret, mais non plus. Mais non, il est arrivé après. Ah là, à gauche. En même temps. Mais le coach c'était Roland Courbis. Le coach c'est Roland Courbis. Ah oui, méfiez-vous parce que vous avez de l'avance, mais. Non, ils ont plus d'avance. Si, si. Ils ont de l'avance, mais attention, il reste. Ça font comme des honnêtement, les trois c'est derniers, il y en a un, Cyril, tu peux le trouver. Et moi j'ai même des Nîmois, alors c'est bon, j'ai le temps. Donc c'est à qui? C'est à vous. C'est à qui a dit Roland Courbis? C'est toi, donc c'est à vous. Il y en a un qui est deux qui t'as sont pas genre un indice de poste. Un attaquant. Voilà, je peux pas te dire plus. Attaquant, si je te donne sa nationalité, c'est facile. Putain. Allez. Alors à partir, t'en as toi, Cyril, ou pas? Oui, j'en ai. Il y a cette Lasland, je sais pas non. 93. Lasland, il était poussin à Libourne en 93. Peut-être pas, ouais, mais. Diabaté, non. Non, mais déjà il y a Laurent Blanc. Attends. Côté Nîmois. Ta réponse officielle, c'est quoi? Mais Laurent Blanc. Non, pas du tout. Quoi, il joue pas à Nîmes? Il jouait peut-être, mais sur ce match-là, il était pas là. Il était ni titulaire ni remplaçant. À droite, il y a un gardien très connu, enfin très connu, qu'on connaît à Bordeaux, on va dire. Et il y a un autre joueur qu'on connaît bien. Il y a deux anciens bordelais dans cette équipe nîmois. Enfin, qui ouais, à l'époque n'étaient pas des anciens, mais seraient des futurs. Il allait arriver après à Bordeaux. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Il y a un gardien et un défenseur. Milieu de terrain. Défenseur. Pérez. Ça, c'est sûr. Et à un moment donné, ça joue à 5 contre 3. Lionel Pérez, il n'avait pas. Il ne connaissait pas Lionel Pérez. Non, les gars, il vraiment un nom au hasard. Franchement, ouais, mais ça compte. Ouais, bah, il y a Christophe Sanchez. Alors, à vous. Mais Christophe Sanchez, puisque avant qu'il le balance, le niveau. Non. Christophe Sanchez. Alors, il était pas sur le terrain en tout cas. Il est peut-être remplaçant, mais il est pas rentré, il a pas joué titulaire. C'est la défaite là, ça pue. Allez, à partir d'un certain moment, je vous donne des indices, puis tout le monde jouera, comme ça sera. C'est le Sauvaldir. Mais c'est pas eux. Oui, mais sauf que c'est à eux. Non, mais tu viens de dire que tout le monde joue. J'ai dit à partir d'un moment. J'ai pas dit de tricher. Non. J'ai dit à partir d'un moment, Cyril, t'écoutes pas. J'ai pas dit à partir de maintenant. C'est de la triche. C'est bon. Entre l'essoufflage. Et ça, c'est bon. Ah, déjà, y a pas de vidéo, donc moi je suis à mon cas. Il souffle devant toi et du coup. Parce que de toute façon, ça changera rien au score final, je te l'accorde. Maintenant, tout le monde joue. Il y a un autre Brésilien. Marcio Santos. Voilà. J'ai dit Marcio, c'est moi le premier. Alors les deux. J'ai dit Marcio en premier. Les deux autres, on va pas se mentir, je sais même pas qui c'est. Enfin, il y en a un, je sais pas qui c'est, et le deuxième. De Blasis. Non. Je sais pas qui c'est, je peux même pas vous. Je le connais découvrir. Pas. Laurent, c'est quel poste? Je sais, mais je le connais pas, donc je peux même pas te dire à quel poste il joue. T'es quoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas marqué dans la liste à quel poste il joue. Je ne le connais pas. Mais donne le prénom. Patrice. Ouais, va Patrice tout. Ferraj. Non. Ferraj. Non. Non. Lestage. Non. Mais non, Lestage. Non. Mais franchement, bon allez, je vais vous le donner. C'est Patrice Marqué. Je sais pas qui c'est. Oh putain, oui. Et le dernier. Soufflage et le dernier, il y a peut-être moyen là, à mon avis, Cyril, tu trouves, c'est Ronan. Courbis. Ronan le Chrome. Non, le Cloarec. Non. C'est Salon. Poum. Il tombe. C'est... Alors. Cloarec, c'était. Bon, Anime, il y avait. Il y avait Cantona, non? Non, Anime, il y avait Philippe Vercruz qui était trouvable. Il y avait pas Cantona? Non, après, c'est Cuchifio, Leclerc, Lucchesi. Le Lucchesi, c'est le nom d'un mafieux dans le parrain. Il y avait pas le Moult. Le gardien. C'était Lionel Pérez, le gardien. Et il y avait Titel, l'entraîneur, c'était Léonce Lavagne. Va savoir. Moi, j'aurais dit comment il s'appelait, le mec qui était après. Il n'y avait pas Cantona. La dernière année j'aurais de dit Nîmes, Jean Fernandez. La dernière année de Nîmes en Ligue 1, il n'y a pas Cantona. Je te dis pas qu'il n'y était pas, je te dis qu'il était ni titulaire et qu'il n'est pas rentré en jeu. Après, il était peut-être sur le banc, il n'a pas joué, je sais pas. Mais parce qu'en fait, sur mon équipe, moi, j'ai les 11 titulaires et les remplaçants qui sont rentrés. Donc après, j'ai pas ceux qui étaient sur le banc. Non, après, franchement, pour trouver Bruno Pabois, Christophe Buffa, Grégory Meillac et Philippe Mazzucchetti. Ah si, Mazzucchetti, c'était joué. Mazzucchetti, ouais. Donc, score final 7 plus de 9, plus de 11, plus de 13, plus de 15, plus de 17, plus 1, 18 pour l'équipe Cyril, Adrien et Enzo. S'il y a égalité, on est mal. On a perdu. Parce qu'Adrien, il ne fait que parler pendant les plus trucs de 11, plus de 13, plus de 15, plus de 17, plus 3, 20 points. Pour l'équipe. Bravo. Rémi, Thomas, Benoît, Julien. Bravo. Donc, du coup, vous êtes de corvée la semaine prochaine. Du coup, vous remettez. Alors, et le soufflage. On laisse gagner les invités, voilà. On a un peu de classe. On espère. On espère. Bien. Recevoir. Merci, les gars. Messieurs, on va conclure là-dessus parce qu'il est quand même minuit et quart, 10 et qu'à un moment donné, ça fait. Faut 3 pas déconner. Faut pas déconner. Ça va, on n'a pas fait de champion, c'est fini. Là. Non, ça va, non. Franchement, on a été peinard. Merci à nos deux invités. Merci Benoît, merci Julien. On vous retrouve donc dans vos futures aventures e-sportives. C'est ça, mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas, dès que vous avez quelque chose, partagez-les sur les réseaux sociaux, identifiez-nous, voilà. On partagera ça. Avec plaisir. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, Julien. Bon courage, mon grand. Et merci. Puis, ben, voilà, merci pour l'invitation, c'est gentil. Ça nous a fait plaisir de découvrir tout ça avec vous. On remercie également. Oui. À voir sur Bein Sport peut-être. Vu que s'il fait oui, hein. On te verra sûrement sur. Oui, il y a l'équipe TV aussi qui faisait l'équipe 21, non, qui faisait des. Année, ouais. Qui faisait l'année dernière, je crois, des compètes. On remercie également monsieur Sarrazin, le président des JSA Basket, et son joueur Alex Viralet, qui était avec nous en première partie d'émission. Voilà, on va se quitter là-dessus. On se retrouve, nous, donc. Alors lundi, on va voir, hein, on va décider ça ce week-end, puisque c'est la trêve. Je sais pas trop si on va faire une émission. On vendredi, on verra. De toute façon, peut-être. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera vendredi. Bah si, avant match de. Mais c'est Nîmes. Avant match de Nîmes, moi je veux Bourdin, mon gars, dans l'émission. On rappelle Bourdin, rien à foutre. Vendredi, français, on aura sûrement un ancien joueur aussi. Et vendredi, on a peut-être un invité à confirmer. C'est ça. Donc, ancien joueur de Ricardo pour parler de son style de jeu. Donc vendredi, émission. Merci Adrien, merci Cyril, merci Enzo, merci Rémi, merci Thomas. On se quitte là-dessus et on vous retrouve donc dans le pire des cas vendredi 21h, 22h30. On va retrouver des horaires normaux jusqu'au prochain Gérard, c'est-à-dire dans un mois. On vous filera la date, on aura encore tout plein d'invités de diverses horizons. Oui. Voilà. C'est allez. Préparé à l'avance. Mais évidemment. D'ici là, on vous souhaite de c'est passer travail, une bonne une bonne soirée. On est quoi vendredi, une bonne soirée. Un bon week-end et allez Bordeaux.